Radio Debout. Ça c'est intime un peu, le contenu de la poubelle ça fait un peu RG quand même, hein, ce que vous nous demandez. Alors la poubelle qui se situe sous l'évier, hein, comme dans toute maison, je trie mes déchets, hein, donc j'ai à droite une petite poubelle papier avec des bouteilles vides, c'est quoi ça ? Des trucs de pain, de l'emballage, enfin genre le papier de la boulangerie, et une boîte d'allumettes. Et ensuite, dans ma poubelle, je vais pas fouiller, hein, elle est jusqu'au fond, mais ce qui dépasse, j'ai des tiges de radis, des pots de bananes, des cotons à démaquiller, un trognon de tomate, une espèce de vieux mouchoir, et voilà, c'est tout ce qui dépasse. Hein. 80 mars, 19 mai, Radio Debout, toujours en direct sur la place de la République à Paris. Ce soir, soirée Flower Power, Power Flower, comme vous voulez. Ce soir, un peu d'écologie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, dit, et dans ta poubelle, hein ? On vient d'entendre qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle d'Alice. Et les éoliennes, c'est élégant, non ? Oui, mais ça pollue, ah bon ? Mais il y a les panneaux solaires pour éviter qu'Icare ne tombe, j'ai du mal ce soir. On commence par l'énergie donc, pour ensuite vous amener vers l'agriculture, les abeilles, les bergers urbains, les égraineurs, le collectif Génération Cobaye et la ferme du bonheur aussi, c'est sûr. Ce soir, le sujet est vaste et 4 heures ne suffiront peut-être pas pour tout dire, mais on plante la graine en place publique à l'ombre d'une rose Galaxy 3000. Radio Debout se transforme en jardin et pour reprendre Jacques Prévert, le vrai jardinier se découvre devant la pensée sauvage. Sauvagement vôtre, Radio Debout à la pêche, comme disait la commission écologie tout à l'heure, 80 mars, 19 mai. Bonne écoute. République, vous écoutez Radio Debout, radiodebout.net. République. Qu'on arrête les camions. Bonsoir. Donc là, pour ouvrir l'antenne, nous sommes donc avec Vincent à ma droite qui va donc faire l'animation avec moi. Et à ma gauche, Nicolas, qui est professeur au PIL. Voilà, on t'a invité parce que vous avez un projet particulier par rapport à ce lycée et par rapport aux élèves. Donc déjà, qu'est-ce que le PIL, Nicolas ? Le PIL, le pôle innovant lycéen, donc, est une structure pour élèves décrocheurs scolaires, élèves donc, qui souhaitent revenir vers l'école à travers divers vecteurs de raccrochage, donc une année de réflexion pour retrouver son projet de formation et réintégrer donc, ensuite l'école ou toute autre formation diplômante. Alors, quel âge ils ont tes élèves ? Donc des élèves entre on va dire, 16 ans et 22 ans, 16 ans l'âge minimum, et 22 ans, 23 ans, suivant donc, les projets qu'on peut leur proposer à la sortie. Mais ça serait équivalent à quelle classe alors ? Donc les cours donc, proposés sont de niveau fin 3e seconde, ce qui permet donc de rentrer ensuite donc, voilà, dans une structure, enfin, une filière professionnelle ou une filière générale en seconde, en première. Tout dépend surtout du niveau auxquels les élèves ont quitté l'école avant d'arriver au PIL et du nombre de temps aussi où ils ont arrêté, leur parcours en fait. D'accord. Alors au PIL, il y a plusieurs structures à l'intérieur du PIL, des lycées en fait, il y a différents lycées et toi, la classe, enfin le lycée dont tu t'occupes s'appelle le lycée de la solidarité internationale et il y a Zoé, donc élève au PIL qui nous a rejoint aussi également. Voilà. Et donc, c'est quoi cette classe spécifique du lycée de la solidarité internationale ? Alors, chaque lycée du PIL est en fait une classe d'élèves. Le lycée donc, de la solidarité internationale, qu'on appelle le LSI au PIL, est une structure qui donc, va donc remobiliser les élèves afin de réfléchir à leur projet de formation et qui va les remobiliser en préparant un projet de solidarité internationale au Nicaragua au mois de janvier. C'est sur ce projet-là, je pense, qu'on va discuter, parce que ce projet-là concerne les thématiques du développement durable et de l'environnement, en partie. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment le projet est né sur ces thématiques-là. Le, Le Nicaragua, vous y êtes allé ? Vous allez y aller ? Alors le LSI va au Nicaragua depuis 5 ans. Donc 5 années, on travaille donc avec deux partenaires, deux ONG locales, avec laquelle donc, on suit donc les projets. On se greffe au projet d'une ONG qui se nomme Blue Energy, qui concerne vraiment un gros travail sur le développement local au niveau donc tout ce qui est agriculture biologique, tout ce qui est accès à l'eau, accès à l'énergie, avec un gros travail social. Avant donc de, on va dire, d'investigation, et une autre ONG qui fait donc de la réinsertion pour donc les gamins des barrios, toute une partie donc d'animation, voilà, pour les occuper, surtout pour proposer un lieu aussi donc d'échange, de partage. Et avec cette ONG là, en commun, on travaille donc au développement de l'ONG en leur apportant cette fois nos compétences sur différents types de projets. Donc, cette année au Nicaragua, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, le projet donc, dure 2 semaines. La première semaine avec Blue Energy, donc, on est vraiment consacré donc, à toute la partie environnementale. Donc un travail sur l'accès à l'énergie dans on va dire, des maisons isolées dans la jungle, près de, nom du village de Rocky Point, où les élèves donc, installent des panneaux solaires et toute la structure électrique qui va avec pour fournir, voilà, on va dire, les besoins vitaux en énergie pour les gens. On n'est pas sur des grosses installations. Une partie accès à l'eau, fabrication donc, de filtres à eau, potabilisation de l'eau, puisque beaucoup d'eau au Nicaragua, mais beaucoup d'eau donc non potable sur la côte est. Une partie permaculture, premier, on va dire, une sensibilisation de l'ONG aux populations locales pour leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes donc développer les cultures, les jardins, sans avoir de l'aide extérieure. Voilà, c'est vraiment les trois thèmes principaux sur l'année. Et ça, du coup, vous le préparez en amont, j'imagine, avant de partir. Il y a toute une organisation parce qu'il y a des choses un peu spécifiques aux piles. Vous avez aussi des espaces recyclos qui vous permettent aussi d'apporter de l'argent qui va servir aussi après pour ce voyage, entre autres. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que les élèves participent à ces ateliers-là, de quoi ça part ? Au PIL, bien sûr, donc les élèves reprennent un cursus scolaire après, donc une grosse partie des cours sont des cours institutionnels, mais fait sous la forme de projet. On va donc travailler beaucoup en transversal et sur, mettons, bon, après ça paraît évident pour le photovoltaïque, on va travailler toute la partie science, mais aussi toute une partie histoire géo, pourquoi du photovoltaïque ici, pourquoi pas ici, idem pour l'éolien. Donc cette partie elle est très importante. Elle est donc, c'est vraiment ça qui va remettre les élèves dans les cours, car on va vraiment travailler sur des sujets concrets. Voilà. Souvent on nous dit l'école classique, moi je me suis ennuyé parce que je travaillais et je ne comprenais pas trop à quoi ça servait. Nous on va essayer pour chaque thématique de la mettre dans la vraie vie, d'inviter donc des personnes, des professionnels, beaucoup de rencontres, et donc d'avoir des supports qui existent sur lesquels les élèves peuvent vraiment se sentir concernés. La partie donc recyclage, c'est une partie où les élèves vont pouvoir mesurer leur engagement dans le projet. On parle beaucoup donc de citoyenneté, comment faire pour s'engager dans la vie sur des projets qui vont pouvoir aider à l'échelle locale. Donc on a créé une coopérative il y a donc maintenant 2 ans, où donc on peut travailler sur les vélos, on peut travailler sur du recyclage informatique et sur du recyclage de meubles. Voilà, je vous donne un exemple tout bête. Les gens nous donnent des vieux vélos, on les remet fin état, donc on apprend comment les réparer. Pas mal de travail autour du vélo, on travaille dans les écoles primaires pour après retransmettre ce qu'on a appris, mais on a aussi un espace vente où quiconque peut venir au lycée pour acheter les vélos qui sont remis fin état. Et du coup, vous avez aussi préparé avec les élèves, vous avez leur avez appris à réaliser des panneaux solaires pour partir pour ce voyage. Oui, bon, on a commencé sur un projet donc sur les thématiques de la COP21 avec le lycée Lavoisier, avec lesquels on a donc participé à l'élaboration donc de structures, donc des panneaux donc de 2x50 watts à assembler, et toute la structure qui va avec interrupteur, lampe, comment relier tout ça donc à la maison des gens. On le monte en général une fois donc sur Paris, une fois sur un chantier Paris ou Île-de-France, et après donc là-bas sur place, les élèves sont en capacité donc, on va dire de manière presque autonome, d'adapter ça donc à la structure d'une maison. Zoé vous expliquera à quoi ressemblent les maisons là-bas. Forcément, c'est pas pareil qu'ici, mais une petite cabane, on va dire, au Nicaragua. Alors, qu'est-ce qu'on peut alimenter, Zoé, avec ces types de panneaux solaires-là ? C'est pour la lumière chez eux, enfin pour l'électricité en fait. Donc c'est pour alimenter, enfin pour qu'ils aient de la lumière chez eux et de l'électricité en fait. Pour recharger leur téléphone, par exemple. Oui. Enfin, je sais pas s'ils ont trop de téléphones là-bas, mais... Au frigo ? Ils ont des frigos ? Non, pas vraiment. Donc c'est principalement la lumière ? Voilà, c'est ça. C'est plus l'électricité et la lumière. Et c'est quoi les types de maisons alors ? Vu qu'on nous dit que c'est des maisons différentes. Bah ouais, c'est surtout fait en bois. Enfin, ça dépend où c'est, mais dans la jungle, à Rocky Point, c'était surtout des maisons, des petites cabanes en fait, en bois. Il n'y avait pas grand-chose. Mais après, dans la ville, c'était pas forcément en bois, mais c'était pas non plus top quoi. Donc toi tu y allais cette année. Oui. Et combien vous avez installé de panneaux solaires par exemple? On en a installé deux dans la jungle. Deux dans la jungle. Oui. En fait on était par groupe. Et donc un groupe s'occupait d'une maison et l'autre d'une famille en fait. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre là-bas? On a installé des. Enfin on a créé des cuisinières améliorées pour les gens. Alors. Donc avec des trucs naturels en fait, enfin, je sais pas comment dire. Mais... Donc la plus grande partie donc, des matériaux sont vraiment issus donc, de la région, il n'y a aucune exportation, on travaille avec des briques locales et toute une partie va dire, un mélange de sève, faut le dire, donc de crotaine chauval, de matériaux naturels pour faire du liant et donc faire terminer la structure. Quoi. Le but de ces cuisines, c'est vraiment donc, de consommer un minimum de bois. C'est surtout... Réduire les maladies aussi. Voilà, tout à fait. Permettre aux gens de ne pas respirer toute la journée donc, tout le CO2 fait par la cuisine, puisque pour le moment, donc, on va dire, les femmes, le plus souvent, font donc, la cuisine dans leur maison avec du feu au bois. Quoi. Donc, du coup, là, c'est une cuisine qui est un petit bâtiment à côté de la cabane ou... Voilà, en dur, avec une cheminée qui évacue donc, la fumée à l'extérieur, et donc vraiment, la faite avec des briques beaucoup plus durables. Et... une structure qui retient la chaleur, donc qui permet donc de faire de la cuisine plus longtemps avec beaucoup moins. Donc, mais la première cuisine, elle était quand même dehors. Elles sont dehors. Oui, elles sont dehors, elles sont pas à l'intérieur. Non, elles sont dans le jardin. Enfin, donc côté, la structure nous permet, comme c'est en brique, ça ne pourrait pas tenir dans la maison puisque c'est vraiment très très fragile. Oui. Est-ce que dans ces maisons, il y a besoin de chauffer l'hiver ou à un autre moment? Il n'y a pas d'hiver, faut Nicaragua. Non, c'est vraiment pour faire la cuisine. Quoi. Voilà. Cuisine, la température moyenne là-bas, c'est du 25 degrés, 30 degrés, 40 degrés toute l'année. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Et ça se situe où au Nicaragua? Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas déjà. Ils pensent que c'est en Amérique du Sud, je pense, il y a beaucoup de gens. Donc c'est où le Nicaragua par rapport à ici? Et en plus, la Bluefield, c'est vraiment... C'est paumé. Donc ça se situe où? Donc, le Nicaragua, c'est l'Amérique centrale. Vous avez Mexique, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Et la région où nous intervenons, c'est la région vraiment une région complètement délaissée par les autorités, puisqu'elle est toute la partie économique du pays se trouve sur la côte ouest, sur la panaméricaine. Et nous, on intervient sur la côte est, donc la côte atlantique. Aucun moyen de transport entre la côte ouest et la côte est. Il faut vraiment y aller par bateau. Il n'y a pas de route. Donc, c'est vraiment voilà, une petite aventure humaine pour la classe. Et vraiment, on a vraiment l'impression que les ONG font du bon boulot sur place. Il y en a très peu, hein. il y en a que deux ou trois, parce que vraiment, les gens sont délaissés. Quoi. C'est une partie du pays qui est un peu laissée à l'abandon. Et alors Zoé, vous y êtes allé à combien? On était 6. Donc tu m'as dit qu'il y avait deux groupes. C'était deux fois trois? En gros, on était 3 et 3 sur les maisons, en fait. Et du coup, cette aventure que toi tu connais depuis longtemps, parce que tu es un peu à la base de ces voyages, parce qu'avant vous avez fait d'autres pays. Toi, quand tu es arrivé au PIL, pourquoi cet intérêt pour ça? Qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place cette idée de voyage, de partage de savoir par rapport aux élèves, etc. Qu'est-ce que toi tu as cherché là-dedans? Le voyage existait déjà puisque le LSI a été créé en 2003. Les premiers projets ont été faits donc, en Afrique, au Sénégal. Et bon, depuis 2012, la situation géopolitique au Sénégal ne nous permet plus d'intervenir là-bas. Et il se trouve que vraiment par hasard, sur un forum écologique dans le 13e, nous avons rencontré la partie française de l'ONG qui est basée dans le 13e, qui fabriquent justement des éoliennes. Donc on a fait un premier atelier éolienne avec eux. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas tenter l'aventure dans ce nouveau pays, puisque les gens, en plus, qu'on avait rencontrés, étaient vraiment très, très professionnels. Et c'était vraiment, ça faisait partie donc, des problématiques qu'on voulait partager donc, avec les élèves. Cette sensibilisation-là nous paraissait très importante, et les élèves ont vraiment accroché. Je pense que vraiment, ça, c'est le concret qui manque à l'école. Voilà, faire de la physique adaptée aux énergies, faire des maths adaptées à cette physique-là, découvrir, mais en fabriquant. Le faire est très important. Bon, alors, il y a une sensibilisation à l'énergie, à la consommation d'énergie. Et quand même, vous allez là-bas, en avion. En bateau, oui. Donc, à 6 élèves, plus au moins un professeur. Ouais. Deux. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? On pense qu'on n'a pas trop le choix, et que si l'année scolaire durait beaucoup plus longtemps, on pourrait envisager, certainement, ça serait une encore plus belle aventure de partir en bateau, mais le bateau, ça pollue quand même. S'il fallait partir à la rame, ça serait compliqué. Et je pense que des fois, il faut faire des choix. Voilà, à un moment donné, nous, on éduque la jeunesse de demain, et si les élèves qui passent par ces structures-là peuvent, je pense, reproduire ou au moins expliquer et retransmettre ce qu'ils ont vu là-bas, on est beaucoup plus gagnant. Après, forcément, dans un monde mondialisé, si on enlève l'avion, c'est plus compliqué. Il y a certainement des gens qui vont hurler si je dis ça, mais nous, voilà, pour aller au Nicaragua, on n'a pas trop le choix. Ce qui n'empêche pas que la solidarité, c'est pas qu'au Nicaragua, on a des projets aussi en France. Mais pour ce projet-là, pour toute sa partie interculturelle, pour l'accès aux langues, donc parler anglais, parler espagnol, voilà, on part là-bas, on n'a pas choisi, mais c'est vrai qu'on le fait en avion. Alors, petite question, toi tu es sur ces projets-là depuis plusieurs années, est-ce que tu as un peu suivi le destin de ces élèves-là ? Alors, on suit les élèves dans toute la structure à un an, deux ans, donc après, le LSI peut-être le verra plus tard, c'est une petite famille, quoi. Et donc, parmi ces élèves-là, donc certains, chaque année, donc, optent vers des filières vraiment de développement durable. Donc, il existe dans le système scolaire la première STI développement durable, donc la STI 2D, mais aussi, donc, suivant le niveau des élèves, des bacs pro et LEC pour après se former donc, vers des modules de photovoltaïque. Voilà. On a chaque année deux, trois élèves qui se dirigent vers ces formations-là, alors qu'ils avaient vraiment aucune idée de ce que c'était avant d'arriver au PIL. Cette année, on a l'exemple d'une élève qui était revenue à 22 ans vers l'école, qui voulait rentrer à la fac, faire psycho ou sociaux, et qui va se retrouver dans une formation, peut-être dans un CFA ou dans un bac pro, mais dans l'optique de monter donc, du photovoltaïque. Et surtout, donc, ce qui ressort, c'est de se rendre utile. Voilà. Nous, on a beaucoup d'élèves qui ont envie de travailler, mais d'apporter quelque chose à la société, de se rendre utile. Il y a plein de domaines, et ce domaine-là en fait partie. Zoé va faire un bac pro photo l'année prochaine. Enfin, on a aucune, voilà. Les élèves travaillent sur leur projet pendant toute l'année. Il n'y a aucune obligation à aller dans les énergies, dans ce genre de choses. Ce qu'on espère, c'est que leur orientation sera choisie. Tu as dit le mot LCI ? LSI, c'est... Alors, parce que tu as dit PIL tout à l'heure, donc PIL, ça je sais, Pôle Innovant Lycéen, mais LSI, tu peux redire ce que c'est ? Le Pôle Innovant Lycéen contient 5 structures de raccrochage, dont le LSI, le Lycée de la Solidarité Internationale. Donc c'est le lycée où tu enseignes ? Voilà. En fait, c'est une classe. Oui, une seule classe. C'est une classe à l'intérieur de ce pôle. Il y a plusieurs classes, lycée des futurs, lycée sport avenir... voilà, parce qu'il y a aussi des élèves qui étaient très bons en sport, mais qui avaient des notes pas très bonnes dans toutes les autres matières. Et donc, il y a une structure qui a été créée pour que ces élèves-là puissent aussi revenir vers les cours et autrement aussi, avec beaucoup de pratiques, de cours théoriques autour du sport dans différentes matières. Parce que la particularité du PIL, et c'est, je pense, là sa force, et ça rejoint des sujets qu'on a déjà eus à Radio Debout. Et quand Jacques Rancière parle de la transmission des savoirs, du maître ignorant, etc., il y a vraiment cette idée et puis de la pratique, c'est-à-dire que tout se fait avec la pratique. C'est vraiment un lycée, une structure qui travaille énormément sur redonner goût aussi, parce que la pratique permet de revenir à des matières qui nous passaient au-dessus de la tête et d'un coup de reprendre goût par rapport à ces matières-là. Enfin, Zoé, je pense qu'il y a des choses en physique pratique que tu as pu voir même par rapport au vélo ou par rapport à des choses que vous avez faites qui t'ont Ou d'un coup, tu t'es dit, ah ouais, ok, d'accord, comme ça, c'est possible. Oui. Eh bien, je te remercie hein, pour ce oui affirmatif et sympathique. Je peux juste, pour essayer de lui faire dire quelque chose, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette classe-là? en fait, quand je suis venue aux portes ouvertes, on va dire, enfin, à la base, j'étais allée au LAP, donc le lycée autogéré, portes ouvertes, et je savais pas exactement dans quelle structure je voulais aller. Et puis quand je suis allée aux portes ouvertes du PIL, je sais pas, je me suis sentie accueillie en fait. Enfin, je me suis sentie direct comprise par juste leur manière de parler. Je me suis dit que ici j'allais trouver ma place quoi. Les élèves l'expliquent beaucoup mieux que nous en fait. Hein. C'est vrai qu'on est là, on n'a pas parlé d'éducation, mais on est beaucoup donc dans la bienveillance, dans la prise en compte de tout ce qui fait l'élève et pas seulement la partie qui se passe à l'école. En général, voilà, c'est un lieu où aussi il est difficile de partir. Donc on espère aussi qu'après, tout ce qui s'est passé là va leur donner la force de réussir. Mais c'est vrai que voilà, ils sont bien coucounés. Mais il y en a qui en ont vraiment besoin. Zoé peut-être pas celle qui en avait le plus besoin, mais il y a vraiment des élèves qui sont très très abîmés quoi. Et voilà, c'est vraiment un super boulot de les remettre et de pouvoir aussi nous avoir la liberté de créer donc des formules pédagogiques presque. Enfin je veux dire, on fait ce qu'on veut quoi. Les profs ont une totale liberté pédagogique. Mais le plus important c'est vraiment ce qu'on retient, c'est donner du sens. Je pense que voilà, c'est redonner du sens à l'école et la rendre vivante. Ça a l'air de marcher. Alors du coup, le PIL, il y a des portes ouvertes, il y en a tout le temps. Enfin, il n'y a pas tout le temps, mais quand même, si, on a beaucoup dans l'année. Et donc, est-ce que tu peux nous donner, pour conclure, un peu les prochaines portes ouvertes du PIL et l'adresse du PIL aussi, etc. Parce que, en fait, comme c'est un lycée qui s'appelle le lycée Lazare Ponticelli, c'est pas facile. Si tu dis PIL à l'académie, le rectorat ne comprend pas. Cherche PIL, ça n'existe pas. Donc, en fait... C'est le lycée Lazare Ponticelli, mais... Je vais essayer d'être précis. Donc le PIL, en fait, est à l'intérieur d'un lycée. Donc on n'a pas changé le nom du lycée. Donc, le PIL est à l'intérieur du lycée Lazare Ponticelli, dans le 13e arrondissement de Paris, 94 rue Barreau. Chaque mois, nous avons des réunions d'information où les élèves, donc décrocheurs, futurs raccrocheurs, vont venir s'inscrire pour ensuite avoir un entretien donc, individuel. La journée porte ouverte, la grande journée porte ouverte de la fin d'année sera le 11 juin, samedi 11 juin, toute la journée de 10h à 16h, donc 94 rue Barreau au pôle innovant lycéen. Ensuite, vous pouvez aller voir le site internet pilparis.org et là vous avez toutes les dates des journées d'information qui se passent tout au long de l'année. Donc bienvenue à tous les accrocheurs d'ailleurs qui viendront donc rejoindre PIL. On va entendre un petit jingle et on va retourner à l'AG. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et quasiment chaque jour, je me présente là. Au nom de toutes les migrations, au nom de toutes les sans-papiers et tous les réfugiés. En fait, aujourd'hui, il y avait trois infos à vous donner. La première info, c'était une remarque qu'on a eu aujourd'hui à la canal Saint-Martin. Il y avait 160 Afghans qui dormirent à canal Saint-Martin. Aujourd'hui, M. Bernard Cazeneuve qui envoie 300 CRS qui est revenu, qui prend toutes les Afghans, tout le monde, parce qu'ils vont aller donner un hébergement ou ils vont aller donner un logement. Finalement, ils sont accompagnés jusqu'à la jardin de Hall. Ils ont relaissé là-bas. Il y avait 200 Soudanais qui dormaient là-bas. Donc, ils sont accompagnés 160 Afghans avec eux en disant que vous restez là avec eux. Ça, c'est la première info. La deuxième info, demain, il y a un camarade qui a été arrêté depuis jeudi passé. Donc, demain, toutes les coalitions international des sans-papiers, ça veut dire que ce n'est pas que Paris, ce n'est pas qu'en France, coalition internationale des sans-papiers. Ça veut dire qu'il y a 12 pays qui travaillent dans la coalition en Europe, qui décidaient de faire un mouvement demain pour cette camarade, parce qu'il était arrêté pour rien, parce qu'ils sont partis chercher dans son boulot, qui est dans la centre à Vincennes. Donc demain, nous, ici, à République, on va déparer ici demain à partir de 15h ici pour aller à Vincennes. Et toutes les coalitions, ils vont essayer de mobiliser dans leur côté pour aller tous les ambassades de France qui est dans d'autres pays. Exemple d'Italie, Espagne, Belgique, ils vont mobiliser pour cette camarade. Donc, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour annoncer à Nuit Debout, en tant que convergence de la lutte. Donc, on a besoin de vous demain, en mobilisation à tous, à toutes qui est disponible demain, tous les citoyens qui sont disponibles demain, pour mobiliser avec nous, pour aller à la centre de Vincennes, pour aller réclamer, libérer cette camarade. Parce que je me rappelle, hace un mois ou deux mois, ils sont envoyés un camarade à Tunis, qui est escorté, qui est envoyé jusqu'à Tunis. Et le camarade, il est arrivé à Tunis, il a été prisonnier là-bas aussi. Donc, on est père. Et lui aussi, il n'est pas passé comme la camarade qui a été envoyée. Raison pour laquelle on est là, on a besoin de votre soutenir. Et aussi à Jardin des Halles, la troisième fois à Jardin des Halles, il y a des 8 femmes qui sont là. Hier soir, on est pouvoir appeler à 115 qui donnait une bergement dans la hôtel. Ils sont dormis dans la hôtel hier soir. Mais aujourd'hui, on a appelé un peu partout, rien à faire. Là, ils sont là, ils sont vraiment rien de tout. C'est quelqu'un qui peut leur apporter une attente ou quelque chose comme ça pour pouvoir dormir avec les camarades qui sont à Jardin des Halles aujourd'hui. Ça sera bien. Et merci beaucoup. Lutte continue toujours. Merci. Donc, je vais vous redemander de vous rapprocher derrière, s'il vous plaît, et sur les côtés. Et on m'a dit Alice. Donc, Alice, s'il te plaît. Bonsoir. Alors moi, c'est pour deux choses que je viens. Et c'est deux modes d'action, en fait, à proposer. Le premier, c'est un mode d'action avec lequel on a... sur lequel on a pas mal réfléchi avec des étudiants en corps national et qui, je pense, c'est important de vous le partager. C'était une marche qui partirait de différents endroits en province, en France, et qui arriverait à Paris. Visuellement, ça a de la gueule. C'est une autre manière de poser et ça va pas du tout en contradiction avec la grève. Ouais, ok. Ça va pas du tout en contradiction. On se dit que nous, dans les facs, les étudiants, mais les profs aussi, dans les écoles et tout ça, c'est un moment où c'est clos, les lieux où on peut se rejoindre et faire des choses sont clos. Pour tous les gens qui se posent la question de comment se mobiliser, parce que dans leur secteur, c'est pas réellement possible, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'organiser une réelle marche et qui serait, du coup, les nuits debout dans chaque ville seraient des lieux de passage et des points à chaque fois pour faire grandir la marche. Et quand elle débarque à Paris, elle aurait une sacrée gueule, cette marche, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose avec... on pourrait en parler, je sais pas. J'invite la commission Action à en parler, à nous à en parler tous ensemble, à essayer de voir avec les autres nuits debout comment on peut organiser ça. Voilà, ça, c'était la première idée. Je pense que c'est vraiment... c'est décisionnel, quoi. Il faut pas que je revienne à chaque fois essayer de redire le truc et que ça tombe à l'eau. Ce serait vraiment important que ça se met en place, ne serait-ce que pour dire non, hein, pourquoi pas. Et la deuxième chose, c'est, donc on a eu, la France-Afrique a fait, la commission a fait vraiment une intervention ultra intéressante hier sur les Comores et sur Mayotte, et ce qui s'y passe en ce moment, qui est une aberration totale, qui est absolument pas nouvelle. Et en fait, Hollande va y aller le 25 mai, et je pense que ce jour-là devrait être une journée où nous, ici, on se mobilise pour dénoncer ce qui est en train de se passer à Mayotte, pour dénoncer ces bateaux qu'on fout dans l'eau, les morts qu'ils ont sur les bras. C'est vraiment une abomination. Moi, j'en parlerai très mal. Je pense que c'est avec la commission France-Afrique qu'il faudrait en parler plus. Voilà, je fais juste une sorte de relais là-dessus. Franchement, le 25, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et ce serait temps qu'on prenne en compte que ben, ils ont beau être loin et on a beau pas les entendre gueuler d'ici, ben, si on gueule avec eux, sera, ça aussi, il y a moyen que ça ait un vrai poids, quoi. Voilà. Merci. Merci Alice. Une intervention. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Troisième étagère, tu peux nous en dire un peu plus ? Salut les gars, moi je suis juste en... Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Salut, on est en direct avec toi de la troisième étagère, tu peux nous en dire un peu plus ? Salut les gars, moi je suis juste en peu de temps, je suis pas trop chaud, je suis là. Après, je suis pas trop chaud, mais quand même sombre. Mes voisins sont un peu plus jolis. En direct de la place de la République. Bac à légumes, peut-être plus frais, peut-être plus enthousiasme, en espérant ne pas finir en panier à salade. Bah écoutez, je vous tiens au courant. Merci Jean-Louis, n'hésite pas surtout. Radio Debout, on est toujours en direct de la place de la République, on cafouille un peu mais c'est toujours agréable. Voilà, vous avez entendu un peu d'AG et maintenant on est à table pour notre soirée alimentation, mais là on va parler énergie aussi avec Thomas et Vincent. Salut. Bonjour. Alors Thomas, toi tu travailles je crois dans une entreprise qui installe des éoliennes. Ouais, c'est ça, je bosse depuis un an à peu près maintenant dans une entreprise qui construit les éoliennes et qui en installe en France notamment. Alors juste pour un rappel, un bref rappel sans rentrer dans des détails trop techniques, mais ça marche comment une éolienne ? Une éolienne c'est des grandes pales qui sont mises à peu près entre 80 et 100 mètres de haut environ, avec un rotor qui varie aussi, le rotor c'est le diamètre en fait de la machine, qui va capter l'énergie du vent et qui va pouvoir produire de l'électricité avec ça. Toute cette électricité là, elle va être rattachée à ce qu'on appelle un poste de livraison, c'est en gros le transformateur sur un parc éolien, et ensuite l'énergie qui est concentrée dans ce transformateur là va repartir sur un poste source pour être rebalancé en fait sur le réseau électrique de RTE. Et donc c'est le port, enfin le... Parce qu'on ne peut pas la stocker cette énergie-là. Non, elle est rebalancée sur le réseau directement, sur des lignes de 40 000 volts et après sur des lignes un petit peu plus petites par la suite. Donc, petite question. Par rapport à notre production d'électricité, le nucléaire, on ne peut pas l'augmenter ou le baisser comme ça. L'éolien se perd. Enfin, l'éolien, s'il est produit pour rien, il est perdu. Enfin, il est perdu, ouais, il est réinjecté sur le réseau. Après, il faut savoir que y a, en France, la particularité, si on peut dire, de la France, c'est qu'on est en plein au centre de l'Europe, sur la plaque centrale électrique européenne. Et du coup, s'il y a justement un excédent d'électricité sur le réseau, il est plus facile pour nous de l'exporter que certains de nos voisins européens, comme par exemple le Royaume-Uni. Alors, juste une petite question en termes d'énergie renouvelable. Enfin, je ne sais pas si tu sais, parce que toi, tu es plutôt juste éolien, mais c'est à quel pourcentage en Europe ? En Europe, tu veux dire l'éolien ou les énergies plutôt les énergies renouvelables, mais si t'as pas... Honnêtement, en Europe, j'aurais du mal à le dire. Ça varie énormément en fonction des pays. Il faut savoir que la France, je crois qu'au niveau de l'éolien, on doit être à peu près les 8e en Europe. Voilà. Ce qui est bien mais pas top. Ce qui est bien mais pas top. Ça veut dire quel pourcentage ? L'éolien, ça représente en France 4,5% de la production électrique française. Très bien. Moi j'ai une petite question. Dans une éolienne, il y a du cuivre ? Dans une éolienne, oui. Y a du pour cuivre. Faire la bobine ? Ouais. J'imagine que ça fonctionne comme une dynamo de vélo ? Ouais, c'est un peu un principe, à peu près le même principe. Après, encore une fois, moi le côté technique, je ne suis pas spécialiste là-dedans. J'aurais du mal à répondre à... à tous ces aspects hyper, hyper précis là. Parce que la question que je me pose, c'est que si on parle d'énergie renouvelable, si on va chercher du cuivre, à un moment donné, si on fait plus d'éolien, on va aussi avoir la limite du cuivre. Il faudra aller la chercher plus loin, plus profond dans les mines. Est-ce que c'est une question que tu te poses ? Oui, alors ouais, évidemment, c'est une question qui peut se poser. Après, il faut aussi remettre ça dans un enjeu un peu plus global, à savoir que la problématique actuellement, elle est quand même tout autre que la recherche du cuivre. Enfin, c'est vrai que quand on prend les centrales, toujours pour revenir un peu sur cet exemple-là, qui est un peu facile, mais qui est quand même suffisamment parlant, il y a aussi beaucoup d'autres questions qui se posent par rapport à ça. Et encore une fois, je serais incapable de dire la quantité de cuivre qu'il y a dans une éolienne, donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à ce genre de questions. D'accord. Et quelle est l'espérance de vie d'une éolienne ? Nous, on l'estime entre 20 et 25 ans à peu près. Et les premières éoliennes ont été installées quand ? Ont été à peu près installées il y a une vingtaine d'années. D'accord. Donc là, un peu moins justement, un peu moins de 20 ans. Donc dans les 10 prochaines années, on va arriver sur la fin de vie des premières éoliennes ? Des premières éoliennes, oui, c'est ça. Exactement, ouais. Là, on va bientôt arriver dans les premiers démantèlements de machines qu'il va y avoir en France. Il y en a déjà eu, mais pas forcément parmi les éoliennes récentes qu'on peut faire maintenant. Et combien produit une éolienne ? Alors ça c'est pareil, ça varie, à savoir que depuis une dizaine d'années maintenant, ça a quand même vraiment beaucoup évolué. Maintenant on est sur une moyenne, on va dire, de 2 MW à peu près par éolienne. À savoir que 2 MW, enfin 1 MW on va dire, si on prend les chiffres de RTE, ça permet d'alimenter à peu près 1000 personnes. C'est quoi le RTE ? RTE c'est le réseau de transport d'électricité, pardon. Oui. Juste pour préciser, pour les novices. Et du coup, voilà, 1 MW, 1000 personnes à peu près. On est sur à peu près des éoliennes de 2 MW en moyenne. Maintenant, il y a des éoliennes de 3, voire plus, qui sont aussi installées. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée. C'est 1000 personnes hors chauffage. D'accord. Donc il faut compléter avec d'autres éoliennes si on veut chauffer les gens. Compléter avec d'autres éoliennes, mais oui, surtout compléter avec d'autres sources d'énergie renouvelable. Parce qu'on sait bien que si on veut aussi faire baisser la part du nucléaire, ça ne va pas juste être avec l'éolien, ça va être avec l'éolien en partie, mais il y aura aussi un mix énergétique renouvelable qui est à mettre en place. Ah, on vient de se prendre un jet de bière, hein, on vous raconte les allées du direct. Plaise. Voilà, c'est une douche de bière, c'est un plaisir. Le cadeau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à notre disposition ? À part l'éolien, on a le solaire, ça on a le solaire. La deuxième haute source renouvelable, la première même source renouvelable en fait en France, c'est l'hydraulique. L'hydraulique et principalement les barrages. Après, on va arriver sur l'hydrolien aussi. Donc, c'est encore différent des éoliennes offshore. C'est des hélices, qui sont posées dans les fonds marins et qui captent les courants. Des marées, des courants. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et alors, pour revenir aux éoliennes, comment ça se passe concrètement on décide qui décide d'ailleurs que ce territoire-là, par exemple, il est propice à l'éolienne. Comment ça se passe ? Alors nous, quand on développe un projet éolien, on se base sur ce qu'on appelle les SRE, c'est les schémas régionaux éoliens. Donc ça, il y en a un par région, comme son nom l'indique. Ça a été établi par des services de l'État qui se sont concertés, donc à différents niveaux, que ce soit sur le paysage, sur le patrimoine, sur la faune et la flore, sur les oiseaux, sur les chauves-souris, etc. Et en fonction de ces différents critères, de ces différentes concertations qu'il y a eu, ils ont établi des zones. Ils ont établi des communes, en fait, qui vont être favorables ou non à l'éolien. Alors, c'est pas parce qu'une commune est marquée en vert sur le SRE comme étant favorable à l'éolien qu'on pourra forcément faire un parc dedans. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes rédhibitoires forcément sur cette commune. À savoir que les contraintes principales dans l'éolien, c'est déjà, nous, la réglementation obligatoire des 500 mètres à respecter par rapport aux habitations. On ne peut pas se mettre à moins de 500 mètres d'une habitation. Parce que ça... Pardon, je viens de démonter. Voilà, je vais y aller plus doucement. Parce qu'une éolienne, ça fait du bruit, en fait. Une éolienne, ça fait... ça provoque du bruit, évidemment. Alors, ça aussi, c'est pareil. Les éoliennes, d'il y a quelques années, elles étaient vraiment faites pour produire de l'électricité. Elles n'étaient pas faites pour ne pas faire de bruit, justement. Maintenant, en France, il y a une réglementation en vigueur qui est très stricte, qui est la réglementation la plus stricte d'Europe, à savoir qu'une éolienne ne doit pas... en fait, on fait des simulations avant un projet, et du bruit, évidemment, on pose des micros, et une éolienne ne doit pas dépasser de plus de 5 décibels en journée, et de plus de 3 décibels la nuit, par rapport au bruit qu'il y avait avant le projet. Voilà, donc... Est-ce qu'une éolienne, ça pollue ? Une éolienne, ça pollue pas quand ça produit de l'électricité, puisque ça tourne donc voilà avec l'énergie du vent, donc non, ça pollue pas. Après, à savoir que l'installation d'une éolienne, évidemment, ça nécessite des composants, voilà, qu'il faut fabriquer, qu'il faut acheminer aussi sur les sites. Faut creuser des fondations. Il y a un bloc de béton qui est mis dans le sol, qui sert de socle, évidemment, pour pas que ça tombe, parce que c'est quand même assez grand. Donc, évidemment, il y a des matériaux, mais comme toute infrastructure, en fait. Après, quand ça produit de l'électricité, non, ça pollue pas. Son recyclage qui provoquera aussi. Il y a une éolienne justement en parlant de recyclage. Nous on estime à 65% à peu près le pourcentage de recyclage d'une éolienne. Et alors pour en revenir à l'installation d'une éolienne donc sur un territoire, donc tu disais que c'était dans le schéma SRE, ouais, ouais. Schéma régional éolien. Voilà, et donc après comment ça se passe au niveau des habitants, parce que je suppose que ouais. Mon micro a rendu l'âme un instant, mais il est de retour. Oui, je suppose que c'est pas forcément plaisant de se dire qu'on va avoir 20 ou 5 éoliennes même autour de chez soi. Ouais, alors 20, ça reste quand même relativement rare. En France, il y a des parcs hein, qui existent de 20 ou 30 machines même, peut-être plus. Donc ce qui se passe en fait, c'est que en tant que développeur, tu dois d'abord trouver des zones. Donc ce que je viens d'expliquer avec le SRE, et puis avec différentes études cartographiques aussi, l'identification des enjeux, les contraintes aéronautiques aussi qui sont très importantes pour nous à prendre en compte. Ensuite, on va sur site et on va voir les élus en fait. On contacte les élus, on passe devant un conseil municipal, et une fois, et seulement si, qu'on a une délibération du conseil municipal qui est favorable, on se permet de contacter les propriétaires et les exploitants qui sont concernés par la zone d'étude en fait. Donc voilà, et après au niveau des riverains qu'il y a autour, il y a évidemment des enquêtes publiques qui sont mises en place où il y a un commissaire enquêteur qui est aussi chargé de récolter en fait l'avis des riverains sur ce type de projet. Donc aujourd'hui par rapport à l'installation d'une ligne TGV par exemple où on peut exproprier, où l'État j'imagine a un pouvoir régalien, sur une éolienne, finalement c'est le propriétaire du terrain qui pourra décider oui ou non. C'est exactement ça. Et c'est important de préciser que c'est le propriétaire du terrain ainsi que l'exploitant. Nous, quand on vient voir les gens, il faut que le propriétaire signe avec nous une convention qui sera ensuite transformée en ce qu'on appelle un bail emphytéotique pour une durée de 41 ans. Mais si l'exploitant ne signe pas non plus avec nous, cette convention-là est caduque et la parcelle est considérée comme pas utilisable dans notre projet. L'exploitant, c'est l'agriculteur qui exploiter la terre. Exactement, ouais, c'est mais, ça. Mais au final, l'avis des citoyens ou des habitants, en tout cas, vient en fait en dernier. Il vient lors de l'enquête publique, qui est, oui, en effet, une des dernières étapes. Alors après, il faut savoir que ce n'est pas exact de dire que ça vient en dernier. On essaye vraiment de plus en plus que la concertation soit un des éléments vraiment majeurs et qui se déroule surtout tout au long d'un projet éolien. Ça passe par des permanences publiques, ça passe par des lettres d'information, des fois même par la construction d'un site internet, etc. Il y a après tous les processus comme l'éolien citoyen ou l'éolien participatif qui permettent vraiment d'impliquer le plus grand nombre aussi autour d'un projet éolien. Ouais, je crois que tu me parlais tout à l'heure justement de personnes, enfin de groupements en fait, de gens qui étaient propriétaires du parc éolien en fait. Ouais, exactement. Il y a différents modèles. Il y a donc l'éolien participatif, c'est donc des personnes qui vont investir de l'argent dedans, mais ça se fera juste à un point de vue financier. L'éolien citoyen, c'est un petit peu différent. C'est qu'il y aura évidemment un investissement financier, mais il y aura aussi des actes de gouvernance en fait de la part des citoyens. Et il y a un très bon exemple de ça à Bégane. Bégane, c'est dans le Morbihan. Et où justement plusieurs citoyens, enfin même beaucoup de citoyens, se sont réunis pour devenir propriétaires à plus de 50% du parc éolien qui se trouve sur cette commune-là. Donc s'ils trouvent que ça fait trop de nuisances ou que c'est pas assez efficace, ils peuvent se dire on arrête. Une fois que les machines sont là, elles sont quand même là. Oui. Mais il y a un débat très très intéressant qui est sorti dernièrement sur Actu Environnement. Du coup, il y a trois personnes qui interviennent, dont une personne qui a monté cette société-là à Bégane. Et du coup, voilà, c'est bien d'accord. Intéressant. Dans Actu Environnement, si les exactement. Gens veulent creuser le sujet. Mais justement, parce que ces gens-là qui ont... Du coup, on me pose la question, pourquoi parfois on voit les éoliennes qui en fait sont à l'arrêt et qui ne tournent pas ? Ouais, alors il y a différentes raisons pour ça. Il y a en gros trois explications. Soit il n'y a pas assez de vent, soit il peut y avoir trop de vent aussi. Quand il y a trop de vent, elles tombent. Quand il y a trop de vent, en fait, ça peut être dangereux qu'elles tournent trop. Donc soit elles sont bridées, c'est-à-dire qu'on alterne voilà, la rotation des pales, soit elles sont carrément arrêtées. Et ça peut être aussi parce qu'elles sont en maintenance, c'est-à-dire qu'il y a un technicien en fait tout simplement à l'intérieur. Donc si vous voyez une éolienne à l'arrêt, qu'il y a une petite camionnette devant, c'est qu'il y a un mec dedans et du coup, bah, évidemment, on l'arrête. Alors, moi, une petite question. Voilà. Qui est propriétaire des éoliennes en général en France ? Puisque là, tu viens de parler d'un groupe d'habitants, mais de manière générale, qui est propriétaire des éoliennes ? De manière générale, c'est pareil, c'est assez difficile à dire. En fait, donc là, le fait que ce soit des citoyens qui soient propriétaires, ça reste quand même encore quelque chose de minoritaire en France. Faut savoir que c'est des infrastructures très lourdes qui demandent des investissements très importants. Donc en général, c'est des gros investisseurs qui rentrent dans le capital et qui deviennent donc exploitants et propriétaires du parc. Donc finalement, le capitalisme a aussi gagné l'éolien vertueux. Ah oui, bah complètement. Faut pas non plus se leurrer là-dessus. C'est vrai que ça devient, voilà, comme je disais, c'est des gros investissements, ça nécessite des pros. De quoi ? C'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché, ouais. Oui, oui, exactement, ouais, clairement, c'est sûr. Et est-ce que y a une petite contradiction morale quelque part ? Est-ce que ça, comment tu t'arranges avec ça ? Moi, mon à titre personnel, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qui me fait forcément plaisir. C'est aussi pour ça que quand je vais voir des élus, j'aime mettre l'accent sur justement l'éolien participatif. Après, faut pas non plus voiler la face. C'est vrai que quand on sait qu'une éolienne coûte, on va dire, entre 1 et 3 millions d'euros, voilà, c'est pas, on peut pas monter forcément des projets, malheureusement, des fois, sans des gros investissements derrière ou des gros prêts bancaires. Est-ce que l'État est propriétaire de certaines éoliennes ? Pas à ma connaissance, non. En tout cas, pas en France, il me semble pas, non. Toi, ton entreprise, elle monte des projets, elle monte des éoliennes, et après, elle appartient à d'autres gens. Ton entreprise n'est pas propriétaire ouais, des éoliennes. C'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ouais, c'est d'autres personnes. Donc ça peut être, je sais pas, des assurances, ça peut être Ikea, par exemple, qui rachète aussi des parcs éoliens, qui deviennent en fait propriétaires des parcs. On va s'arrêter là, on va aller voir ce qui se passe en AG. Merci beaucoup Thomas. Si, à vous. Merci. Je vais essayer de le faire. Et avant ça, je voulais vous dire que la solidarité en manif est super importante parce qu'aujourd'hui, si les manifestants n'auraient pas été avec ma sœur, moi-même, ils m'ont cassé dans les yeux, ils m'ont cramé le visage. Ça fait 2 heures que j'ai été soignée par les médics. Et donc voilà, vraiment, bon courage à tous. Il ne faut pas se laisser faire par la répression. Même si j'ai que 15 ans, on sait qu'on va se battre pour nos droits. Et même si on dérange les gens, on se bat pour notre avenir, putain de merde. Donc voilà, si jamais vous êtes frappé ou vous pouvez porter plainte, même si c'est des policiers, apparemment il y a une agence. Et surtout, il ne faut pas que ce soit anodin. Des gens qui sont censés nous protéger, qui nous matraquent, qui nous gazent, des gens à terre, c'est même plus de la répression, c'est de la violence gratuite. Et une fille de 15 ans qui est à l'hosto parce qu'elle a essayé de manifester, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais même pas comment ça peut exister. Et sur BFM, ils vont parler de casseurs, ils vont pas parler des flics parce que c'est les flics qui cassent des vies, ils tuent, ils cassent des vies, ils matraquent. Alors, j'essaye de... Allez, sois pas timide, okay. Vas-y, allez. Ok, alors. Rapproche le micro, allez. Okay. Allez, okay. Allez. Okay. Allez. Allez. Allez. Capucine. Capucine. Ok. Allez, Capucine. Allez, Capucine. Allez, Capucine. Ok. Ok. Vas-y, allez. Ok. Ok. Je vais pas réussir à le rapper, mais je vais juste essayer de le dire. Bah, dis-le tout simplement, ça viendra tout okay. Seul, tu vas voir. Ok. Goût de lacrymo trop amer, un goût de lacrymo dans les airs, des manifestants sont frappés à terre, ne venez pas me dire que les violences sont policières, BFM oublie de vous dire qu'elles sont pas arbitraires, simplement policières, remballez vos gaz et vos coups de tasse, on veut des rêves, pas des goûts de sang qui font déborder le vase, limite envie de brûler Matignon et toutes ces cons, on se fait nasser à la nation, y'a putain de trop de répression, moi j'ai qu'une meuf qui débarque dans le rap, qu'on voit des rimes qui parlent, bah pas de ces rimes plates, dans cette putain d'état qui veut nous foutre à genoux, on n'est pas à genoux, on est debout, ici à nu debout, toujours à qui aurait pu, trop de rimes incongrues, ici la police nous tape et nous matraque. Attends. Allez. Attends. Un peu plus par là, parce que sinon ça va y aller. Et ces keufs qui se baladent comme des bâtards, même pas les couilles de porter leur brassard quand ils arrêtent pour n'importe quel motif. Et l'État nous fout des gifs. Quand la police arrête pour n'importe quel motif, on fera la diff. Tu connais la jeunesse et dans la rue, on se battra pour nos droits. Ils veulent ken nos libertés, même nous empêcher de manifester. Ils se sentent fortes avec leurs boucliers et leurs putains de coups de matraque. Mais on est là. Y a pas de justice dans cette putain de police. On veut plus de cannabis. Voilà. Ok. Y a pas de on est peut-être pacifiste, mais dans un état plein de vices contrôlé par la police. Alors Hollande, je t'explique, arrête ta propagande, arrête quand la police, arrête la police, arrête tous ces putains de répressions qui se baladent partout. Vous pouvez le voir dans la rue, quand on voit un môme qui se fait matraquer, on n'a que 15 piges. On n'a que 15 piges, on se bat pour notre avenir, et ces keufs nous matraquent en train de sourire. Voilà, j'ai pas fait tout le texte parce que je le connais pas par cœur, mais je voulais juste vous dire que voilà, faut pas que ce soit anodin que des enfants soient... Enfin, il y a plus, en ce moment, il y a plus de manifestants que de policiers qui sont à l'hôpital, et on est plus nombreux que les policiers, donc faut continuer. Je veux dire, il y a 70% de personnes qui sont contre la loi travail, et les 49-3, c'est pas la démocratie, c'est du viol, carrément. Ben, merci beaucoup. Donc... Bon, oui, non, mais je voulais dire un truc. On m'a dit de vous dire, mais on m'a dit ça il y a une demi-heure, qu'il y avait une caisse qui circulait encore comme chaque jour avec une personne qui demande de l'argent pour Nuit Debout, mais bon, c'est pour lui. Donc, vous donnez si vous en avez envie, mais sinon, attention, voilà. on m'a dit aussi de vous dire que demain... Il y a l'assemblée de séparation du MEDEF et de l'État devant le MEDEF, devant le siège du MEDEF, de 17h à minuit. Je vous le rappellerai assez souvent, là. Donc, voilà, ça, c'est un rendez-vous assez important, il me semble. Voilà. Bon, on va y arriver, hein. Mais heureusement qu'il y a Saïd qui nous fait rire. Voilà, allez, on va passer à François. François. Pas d'infos encore. Et mes ondes, tu les aimes, mes ondes? Oui, je les aime. Et Makaché, tu l'aimes, Makaché? Oh oui, je l'aime. Et mon IP, tu l'aimes, mon IP? Oui. Martial, le garde des FU. Et ma radio, tu l'aimes, ma radio? J'attendais d'autres. Je l'aime, ta radio. Ça m'excellait. C'est bon. Radio Debout, on est du coup de retour avec la commission écologie. Donc la commission écologie qu'on a quelques fois accueillie assez succinctement à l'antenne. Et ce soir, je suis du coup allé à la rencontre d'Adrien et Antoine, donc de la commission écologie. Salut. Salut. Salut. Et du coup, je voulais essayer du coup d'en savoir un peu plus sur cette commission. Comment est-ce qu'elle s'est créée un petit peu? Pourquoi? Parce que c'est donc une des premières commissions à s'être créée sur la place. Donc voilà, je voulais vous... Si vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de cette commission et comment ça s'est construit. Ouais, bien sûr. Alors, au tout départ, il y avait un appel qui avait été lancé pour la création d'une commission climat. Et très vite, on s'était dit que c'était réducteur. Et donc, on avait élargi ça à une commission écologie-climat qui a pris place sur la République environ 5-6 jours après le début du premier mouvement, après la diffusion de Merci Patron. Voilà. Et on était assez peu nombreux au début, mais il y avait quand même de l'enthousiasme. Et assez vite, on s'est retrouvés à 40 ou 50. Hein. Puis des têtes sont reparties et d'autres sont revenues. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et donc aujourd'hui, du coup, vous êtes donc toujours ce nombre-là au sein de la commission? Alors, de ce que je sais, les gens qui, par exemple, suivent les fils Telegram, on est environ 200. D'accord. Sur la page Facebook, on doit être au moins 100, non? Il me semble. La page Facebook. La page Facebook, donc Écologie Debout. Ouais, celle qu'on diffuse vraiment. Voilà. On est beaucoup plus que ça. On est peut-être plusieurs centaines. Plus que ouais. Ça, d'accord. Donc vous avez en gros 200 membres qui tournent un petit peu et c'est encore ouvert un petit peu. Vous alors, de toute façon, gens, etc. comme chacune des commissions, on est ouvert. Hein, okay. Le but. Les gens nous ont dit qu'on était organisés, il faut le savoir, des intercoms qui sont venus, voilà, pas en médiateur, mais essayer de voir un peu comment on s'organisait. Ouais. Systématiquement, donc, on a une réunion de travail à 17h. Où il y a un tour de parole libre, donc c'est l'expression pour des gens qui viennent de s'initier au mouvement, qui ont peut-être des messages à faire passer en termes d'écologie, voilà, écologie sociale, entendons-nous, mais voilà, qui peuvent prendre la parole, donc on a un temps d'échange libre, ça dure en principe 40 minutes, puis on se focalise sur des ateliers de travail pendant en général 45 minutes. Il y a des ateliers de travail qui sont plus consistants que d'autres, plus structurés que d'autres, qui vont durer davantage que d'autres. Mais voilà, pour organiser des événements, pour mettre au point des textes, pour organiser des actions. D'accord, alors c'est chouette parce que donc, tu parles un petit peu de la façon dont se structurent les soirs donc, au sein de la commission écologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les sujets justement de ces discussions, par exemple, que vous avez l'après-midi, Antoine peut-être ou Adrien? Après, les discussions sont vraiment diverses. De toute façon, comme disait Adrien, évidemment, n'importe qui peut venir à nos réunions de commission pour venir s'exprimer sur n'importe quel sujet. Donc il peut arriver qu'il y ait vraiment des sujets multiples et divers d'un jour à l'autre, quoi. Après, évidemment, il y a toujours des thèmes qui reviennent plus régulièrement, évidemment, comme la transition énergétique, okay, le renouvelable, comme l'agriculture, comme les semences, ce genre de choses. Mais bon, après, c'est pareil, divers et varié, quoi. On peut avoir le soir aussi, on organise beaucoup de débats, des intervenants qui viennent aussi. Donc là, c'est souvent du coup, sur des thèmes un peu plus spécifiques. Donc c'est vraiment très, très variable. L'écologie est un sujet très variable qui touche un peu à tout. Donc c'est ce qui est intéressant aussi au sein de notre commission, c'est que même si on a évidemment des lignes plus importantes que d'autres, il y a quand même des gens qui viennent s'exprimer un petit peu sur, voilà, sur leurs compétences, et ça peut être, voilà, très très varié, quoi. Donc le but, en fait, c'est d'essayer de faire des sortes de réunions de pensée, des réunions de travail pour essayer d'aboutir à des... Est-ce que ça aboutit à des actions, à des idées? Qu'est-ce que c'est le but exact? Alors, je vais répondre là-dessus rapidement. On a la chance d'avoir Patrick à côté, si tu veux dire bonjour. Je te donne mon micro, Patrick. Je suis de la commission écologie, mais par ailleurs, c'était quoi la question? Je voulais que tu parles du manifeste, du coup. Ah, le manifeste. Ah bah oui, d'accord. Donc oui, parce que du coup, la commission écologie a écrit un manifeste à la suite des ateliers de discussion. Patrick, tu vas nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, le manifeste, au fait, ça a été dans les premiers jours, en fait. Moi, j'étais même pas encore arrivé. Je suis arrivé vers le 35 mars. Et la décision de faire un manifeste avait déjà été prise. Et ce qui a été intéressant, c'est que ça a été un travail collectif qui a duré une dizaine de jours, où il y a eu à peu près pendant 2 heures par jour, pendant une dizaine de jours, des discussions sur la place, oui. Pourtant, j'ai fait de la radio libre, toi, il y a longtemps. Donc, pendant 2 heures, on discutait et on a élaboré un manifeste assez long. C'est-à-dire qu'il y a 17 000 signes, donc 7-8 pages, avec une introduction, une conclusion et 4 parties sur l'énergie, sur l'agriculture, sur le bien-vivre et sur l'économie écologique. Et donc, je pense que ce qu'on a fait en plus, c'est que ce travail qui était fait sur la place était poursuivi collectivement par Framapad. Et donc, Framapad, on le redit, hein, c'est des éditeurs de textes en ligne qui nous permettent de collaborer à plusieurs sur l'édition, voilà, d'un document. Et donc ça a été un vrai travail collectif et quand on a véritablement voulu conclure tout ce qui avait été intégré dans Framapad, etc., on a lu ligne par ligne. Hein, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient autour de nous, quoi, et on corrigeait chaque phrase, chaque mot, etc. Et on l'a le lendemain restitué, y compris on l'a annoncé en assemblée générale. On a lu l'introduction, la conclusion et les principaux chapitres. Alors, donc voilà. Justement, ce soir, du coup, donc on l'a dit tout à l'heure, l'écologie, du coup, ça rassemble beaucoup de choses. On parle ce soir un peu plus d'agriculture. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire ce que contient ce manifeste au sujet de l'agriculture, justement, au sujet de l'agriculture, de l'alimentation? Ben, on a 3 axes principaux au sujet de l'agriculture. Ce qui est clair, c'est que l'ambition que porte le manifeste, qui de toute façon est haut en couleur, c'est d'avoir une agriculture bio, locale et de saison. Voilà, donc ça c'est déjà 3 impératifs, orientations. C'est les 3 axes que, voilà, vous voulez avoir. D'accord. Exactement. Ce qui suppose ensuite la définition de circuits courts à des échelles qui restent à définir, mais Enfin, si tu veux en dire un peu plus, Antoine. Oui, je vais en dire un petit peu plus, évidemment. Donc, évidemment, comme l'a dit Adrien, ouais, donc ça, c'est tout ça, c'est recentrer un petit peu l'agriculture du coup sur des besoins locaux. Évidemment, on a grâce aux AMAP principalement, mais après, on a aussi d'autres alternatives plus locales qui va bien au-delà de ça, et surtout individuelles en fait, comme justement végétaliser un petit peu tous les espaces verts. Si on considère une ville comme Paris, il y en a énormément qui sont sous-exploités en fait, qui ne servent strictement à rien. Donc là, ce sont des initiatives individuelles, comme les potagers aussi, mettre des arbres fruités par exemple à la place des arbres décoratifs, tout simplement, ce genre de choses. Et ensuite, on discute beaucoup des idées à une échelle plus globale, c'est-à-dire d'un point de vue plus politique et législatif, ce qu'ils seraient capables de faire, parce qu'évidemment, s'approprier l'agriculture, ça ne suffira pas pour changer radicalement le système, quoi. C'est un peu la même question que la transition énergétique. Ça passera aussi par des solutions, par des votes à plus grande échelle, en fait, quoi. Donc, principalement, on en discutait tout à l'heure, une idée qui avait été déjà mise en place au Québec, c'est justement définir des zones de terres agricoles qui sont donc limitées, protégées par une commission en fait, tout simplement, et qui du coup en fait protège en fait ces zones et empêche l'urbanisation et du coup l'artification de ces sols, de ces terres agricoles, quoi. Et ça a été mis en place il y a presque 40 ans, et la surface des terres agricoles n'a quasiment pas diminué en fait là-bas, quoi. Et donc c'est quelque chose qui est très simple à faire, que n'importe qui pourrait agir. Pour résumer, c'est quelque chose qui prône la gestion des territoires par une organisation qui permettrait de maintenir un taux acceptable entre le taux de terre agricole et le taux de terre constructible. Voilà. D'accord. Surtout protéger vraiment les terres de qualité en fait, qui se situent principalement en fait autour des villes. Oui. C'est les principales qui sont touchées, quoi. Dans quel département ça a été mis en place, ça, en France, dans quel territoire? Ça a été mis en place en fait au Québec. Au Québec, pardon. Au Québec, ouais. D'accord, c'est au Québec. Donc ça n'a pas encore été mis en place en France. Non. D'accord. Et est-ce que du coup vous avez des gens qui sont intéressés par ça ici et qui il y a peut-être des pistes au sein des différents territoires français ou pas? Il me semble que outre-mer, la question a déjà été posée sur les départements d'outre-mer, et je pense que ce serait intéressant de rentrer un petit peu en contact avec eux, parce que ça reste récent. Je n'ai plus trop l'ordre d'idée, mais c'est de quelques années et ça fonctionne, les premiers résultats en fait sont déjà bons. Donc je pense qu'il pourrait être intéressant de rentrer directement en contact avec eux et d'essayer de faire en sorte que ça s'applique aussi en France, quoi. Oui, parce qu'en France du coup on a un organisme qui est un petit peu similaire, qui est la SAFER, qui essaye de gérer un petit peu l'appropriation du foncier par justement toutes les terres, enfin tous les organismes qui voudraient en faire une opération lucrative, et du coup la SAFER peut gérer ça, mais il se trouve que du coup la SAFER commence à être confrontée à des problèmes structurels maintenant qui font qu'elle est plus forcément adaptée à la dynamique actuelle des marchés, et du coup qui fait que on peut se poser effectivement ce type de questions. On va passer un petit reportage poubelle et on va revenir avec vous dans un instant. De Paris, on se fait apprenti. Alors, on qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? D'autrui, on regarde. Fait de peur, d'ennui. Une plaquette de beurre bien entamée. Un pot de cornichon qui doit être là depuis une éternité. Un fond de pesto qui est aussi là depuis une éternité. Trois pots de confiture qui vont et viennent. Un saucisson pour l'apéritif qui n'aura jamais été terminé et qui, à mon avis, serait bon de jeter. Un pot de rillettes. Vide, me semble-t-il. De la charcuterie italienne, périmée, que je vais jeter d'ailleurs. Un deuxième pot de rillettes, presque vide, je dirais. Un paquet de café, toujours à disposition. Du citron et de la mayonnaise. Sans oublier du chocolat. Ça, c'est le réfrigérateur d'un mec de 30 ans. Alors du coup voilà, on vient d'entendre donc le frigo de Bastien donc qui nous a ouvert ses portes ce soir. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, ça, par exemple les frigos pleins? Est-ce que vous en avez parlé peut-être à la commission écologie? Déjà Bastien, je me pose la question, est-ce que c'était un lendemain de soirée quand on a la vidéo, parce qu'on a l'air assez blasé quand même. Et évidemment les frigos pleins, c'est un peu une question qui fâche, parce qu'au niveau des ménages c'est... Il suffit de regarder partout, hein, mais chez n'importe qui en fait. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'on jette toujours des aliments en fait. On gaspille, on les utilise pas, on les laisse au fond du frigo. Et ça arrive vraiment à tout le monde, même quand on essaie de faire attention, quoi. On gaspille environ 40% de la production alimentaire mondiale. D'accord, où ça, en France? Dans le monde. Dans le monde, d'accord, ok. Et et particulièrement dans les pays développés. Donc, quasiment la moitié du coup. Quasiment la moitié de la production alimentaire est gaspillée. C'est un chiffre qui fait réfléchir, donc ouais. C'est intéressant de voir. Donc justement par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez réfléchi à propos des circuits courts et de l'agriculture locale justement. Pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, circuit court, agriculture locale, qu'est-ce qui est possible de mettre en place à l'échelle urbaine, puisqu'on est à Paris du coup, et peut-être à l'échelle de la France, si vous avez parlé de ça aussi. Antoine, Adrien. Alors moi je vais juste dire une chose rapidement, c'est que selon Pablo Servigne, qui est un agronome indépendant, qui fait pas mal d'études à succès ces derniers temps, il a publié un livre « Comment tout peut s'effondrer », où il explique un certain nombre de sujets avec ses écologiques dans le détail. Et il disait, voilà, une bonne référence, il était passé ici d'ailleurs, hein, sous la bâche de notre commission, il disait qu'on pouvait nourrir environ, produire 40% de ce que consomment les urbains, voilà, donc les gens qui vivent en ville. C'est pas énorme, mais c'est déjà un bon départ. C'est pas négligeable non plus, quoi. Ça veut dire produire en ville 40% de ce qu'on y consomme. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est quasiment zéro. Voilà. Il faut se souvenir qu'à la fin du 19e en France, par exemple pour alimenter une ville comme Paris, il y avait 20 000 agriculteurs, même pas, je crois, qui, autour de la ceinture de Montreuil, alimentaient tout Paris en fruits et légumes frais. Donc à l'exception peut-être du thé, du café, tout le reste était de provenance locale. Et... Il y a même des villes un peu dans le monde qui sont une ville comme la Havane au Cuba est totalement autosuffisante. Tokyo a fait d'énormes progrès aussi, et c'est quand on voit un petit peu, quand on se balade un peu dans Tokyo pour ceux qui sont allés, on peut se dire il y a quand même moins de potentiel qu'à Paris, quoi. Mais en fait ils utilisent parfaitement tous les espaces qui leur restent, et on peut très bien faire la même chose à Paris. Il est évidemment possible, Paris a un gros potentiel aussi pour une agriculture urbaine. Et même si dans les années à venir on arrive à le développer, je dirais de manière assez lente, ça pourrait quand même avoir un certain impact, quoi. Même 10% déjà, c'est assez conséquent. 10%, ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui seraient nourries grâce justement à la culture urbaine. Il ne faut pas négliger ça, quoi. C'est surtout que, en plus, toute notre surface inutilisée comme les toits, par exemple, peuvent vraiment servir, et il suffit juste d'envisager différemment la construction. Ils ont inauguré, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, à New York, le premier toit végétalisé qui permet justement cette culture-là, quoi. Donc du coup, par rapport à cette culture locale et à cette réappropriation un petit peu de l'agriculture et de tout ce qui peut nous nourrir par les urbains et par le peuple aussi, il y a cette idée de grénothèque que vous avez mis en place dans la commission écologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de la grénothèque, le principe déjà? Donc le principe, c'est d'avoir un espace dédié, donc en général sous la bâche de la commission écologie climat. Donc c'est un espace de troc d'abord, donc des gens qui viennent avec des graines peuvent en échanger avec d'autres, sans échange monétaire. Et par ailleurs, tous ceux qui n'ont pas de graines, qui veulent être sensibilisés, qui aimeraient planter chez eux, sur leur balcon, n'importe où, chez leur grand-mère, ils peuvent venir se fournir en graines gratuitement. Voilà. Donc on a fait pour ça des appels à dons, dans le cadre du premier jardin debout qui s'était fait deux semaines après le début du mouvement environ, et ça avait marché du feu de Dieu. Alors le jardin debout, c'était quoi exactement? C'est rapidement, hein. Alors le jardin debout, ça consistait de trois choses, on va dire. En plus de cette granothèque, donc qui est à disposition de tout le monde, c'était deux murs végétaux, donc des jardins suspendus, avec des bouts de ficelle et des bouteilles en plastique. Une butte qu'avait fabriquée un agriculteur et qui tenait très bien jusqu'à ce qu'elle soit virée le lendemain, évidemment. Et troisième chose, des bacs, donc des battes à compost ou bien dans des palettes. Voilà, des espèces de plants de culture, du coup, que les gens pouvaient emmener chez eux. D'accord, donc tout ça s'est donc mis en place au fur et à mesure, et la Grénothèque a participé un petit peu à construire un petit peu ce mouvement-là. Donc. Voilà, depuis on a une Grénothèque, alors tous les dimanches, ça c'est le minimum, voire tous les week-ends, samedi et dimanche, en général ça peut aussi être ouvert en semaine. D'accord, et donc on a fait venir aussi, il y a une semaine ou deux, quelqu'un de Biblio debout, un petit peu, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que chacun apporte ses graines et chacun peut en reprendre. C'est une façon un petit peu de s'approprier le... Enfin, de rendre un peu à la terre ce qui lui appartient, c'est-à-dire en gros, la propriété universelle des graines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas justement mettre de propriété sur les graines et donc partager un petit peu toutes ces semences, quoi. Ah oui. Très bien, donc on va pas tarder à clore le plateau avec vous. Alors on aurait aimé dire simplement que du coup, puisqu'on parle de graines, d'appropriation du vivant, il y a donc une manifestation Monsanto qui est prévue samedi, entre à partir de 14h, ça va aller, le cortège donc, se déplace de République à Stalingrad. Il y aura des gens de Nuit Debout et de la commission écologie. On avait d'ailleurs un atelier cet après-midi dédié à la confection de pancartes qu'on va afficher. Voilà, avec... Alors on le rappelle, Monsanto, donc, vous pouvez le rappeler à ma place d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Monsanto ? Monsanto, c'est un empoisonneur planétaire qui a la particularité de très très bien communiquer, c'est pour ça qu'ils ne sont pas fait attraper pendant longtemps. Mais en gros, voilà, ils s'approprient le vivant, c'est-à-dire qu'une graine qui était cultivée pendant des milliers d'années, de façon complètement indépendante, pas des paysans, je ne sais pas, ça peut être en Afrique, en Amazonie, en France... du coup, va devenir à un moment donné propriétarisé par une énorme multinationale qui, en plus, vend des engrais, des produits chimiques. Plus généralement, pour ceux qui ne savent un peu moins, Monsanto, c'est donc ceux qui ont créé l'herbicide Roundup, qui est un des herbicides les plus vendus au monde. Et c'est aussi ceux qui commencent à mettre en place assez furieusement donc, le soja OGM et tout ce qui est OGM, d'ailleurs, donc préprogrammé pour être résistant donc à son Roundup et qui grâce à ça donc met des brevets sur les semences et qui va contre justement l'universalité de tout ce système là. Avant de clore le plateau, je voudrais juste proposer à Patrick de nous faire de nous parler de ce qu'il organise. Vas-y, je te passe le micro, Patrick, tu vas pouvoir mieux. Oui, alors d'abord Monsanto, il avait aussi aidé à créer l'agent Orange qui a tué des dizaines de milliers de Vietnamiens dans les années et qui continue à les tuer parce que ça a pollué tout le sol au Vietnam. C'était les bombardiers américains qui mettaient ça pour essayer d'empêcher la guérilla du peuple vietnamien de gagner. Quoi. Alors il se trouve... C'est un passif quand même assez, assez litigieux. Oui, c'est vraiment des salopards et il faut aller vraiment manifester. Alors moi, ça m'embête qu'ils viennent manifester ce samedi, les copains, parce que moi, qui suis aussi à la commission, je trouve que j'organise... Oh là là. Elles sont les conditions socio-économiques qui gouvernent le pays industrialisé. Nous luttons pour une révolution. Révolution, double révolution, sans verser le sang. Révolution qui sera d'abord politique, dans le sens que nous proposons formation des communes, de 10 000 habitants, des structures de ce type. On est de retour, excusez-nous, on a eu une petite panne de son. On est donc avec Patrick qui nous présente. Vas-y, présente-nous ce que tu as. C'est un festival. Moi je suis de la commission Écologie Debout, mais par ailleurs, je suis un des organisateurs du festival Effet de Serre qui aura lieu demain soir, le 20, le 21 et le 22 mai. Donc, c'est sept films sur l'écologie. Et c'est sept films qui, avec une entrée gratuite au 100 rue de Charenton. Donc c'est pas très loin d'ici, c'est à côté de la gare de Lyon. Et quelle est la spécificité du festival? C'est comme effet de serre, c'est C comme cinéma, et E comme écologie et R comme résistance. Et c'est en fait organisé par, par notre coopérative, qui est une coopérative écologie sociale et un centre culturel. Et on va essayer de présenter des films liés à la question de l'écologie sociale. On va commencer demain soir par, à partir de 19h par un film culte un peu qui s'appelle L'an 01, qui était dans les années 70 le premier grand film sur l'écologie, un peu utopiste, etc. Après, le lendemain matin, il y aura une carte blanche à l'écologie sociale, après un film sur l'agroécologie à Détroit. Tout à l'heure, on parlait des friches industrielles qui pouvaient être reconverties en agroécologie pour que les gens puissent manger, etc. Oui, il y a un gros mouvement qui se passe à Détroit comme ça en ce moment. Voilà. Donc, l'après-midi, on aura Merci Patron et le film sur les Fralib pour parler entre autres de la question du rapport entre lutte écologique et lutte sociale et aussi sur la question des coopératives. Et puis ensuite, il y a un événement important, c'est qu'on accueille à Paris Janet Bill. Alors Janet Bill, les gens ne la connaissent peut-être pas, mais c'est une écologiste américaine qui était la femme de Murray Bookchin, qui a été un théoricien très important et elle aussi de ce qu'on appelle l'écologie sociale, qui n'a rien à voir avec l'écologie politicienne telle qu'on la connaît en France, mais qui essaye justement d'être une écologie qui lie les luttes sociales et les luttes écologiques, et qui est aujourd'hui et qui dit qu'il faut développer ce qu'ils appellent le municipalisme libertaire, c'est-à-dire la conquête par le bas des institutions. Et il y a 15 jours, au moment du Global Debout, eh bien, on a beaucoup parlé avec les copains italiens et espagnols de ces expériences d'investissement local pour la conquête des institutions. Donc avec elle, on va voir son expérience, notamment chez l'écologie sociale au Kurdistan. Le lendemain, on fera de nouveau sur l'écologie sociale avec elle quelque chose. Et puis, l'après-midi, on aura deux films sur l'eau avec Ricardo Petrella, qui est un des théoriciens du contrat mondial de l'eau, et ensuite un sur l'extractivisme et la lutte notamment des peuples indigènes au Pérou contre l'exploitation des mines d'or notamment. Donc voilà, c'est un festival de cinéma à la fois écologique, radical, social, qui se déroule un peu dans l'esprit de Nuit Debout. Voilà. D'accord. Donc ça s'appelle le festival Effet de Serre. C'est le 21-22 mai. Et c'est au 100 rue de Charenton. Au 100 rue de Charenton, c'est Paris, métro Gare de Lyon, à côté de la place d'Aligre. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Patrick, merci Adrien, merci Antoine. On va retourner sur une petite publicité de circonstances avant de retourner à l'AG. Merci. Ouais, ok, c'est bon. C'est qui ? Il a parlé déjà. Anan. Jérôme. Jérôme le Gitan. Bon ben il est parti aussi. Hein ? Il y a plus. Cahier de doléances, ils sont là ? Ils sont même pas là. Bon. Personne n'a quelque chose à dire, on ferme. J'ai quelque chose à dire. Non. Allez hop. Allez, à la conclusion. La rue, elle est à qui ? Elle est à nous. La rue, elle est à qui ? On l'a acquis. Et la rue, elle est à qui ? Et la rue, elle est à qui ? La rue, elle est à... mais madame, Dérangez la si vous voulez. Alors quoi ? Vous avez dit la conclusion. Rendez-vous le micro. Bon, tranquillement, voilà. Merci beaucoup. Bon, on va rappeler le cahier des doléances là. Bonsoir à tous. Ici le cahier des doléances, nous... vous m'entendez ? Ici le cahier des doléances. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous avons un travail de communication en interne. Nous dispatchons les idées aux différentes commissions et nous publions les idées de tout à chacun sur Internet. Et nous créons bientôt des documents un peu vintage, voilà, histoire de laisser une trace peut-être historique dans le mouvement social français. Soyons ambitieux. On va faire une petite séance de lecture. Je vais en lire pas trop, quelques-unes. Vous entendez, c'est bon ? Ok. Ah, je vais lire une petite sélection de doléances totalement au hasard. Et puis, vous pouvez lever les mains si vous êtes d'accord. Vous pouvez crier bouh si ça vaut rien. Il y a du bon comme du très mauvais. Pour vous dire, voilà, c'est un peu... chacun peut porter son propre jugement. Alors, je lis ici, je souhaite qu'on soit tous des êtres singuliers, qu'on prenne notre liberté et qu'on la réalise, qu'on rêve, par exemple. Alors. Bon, en fait, l'idée, c'est que chacun puisse écrire ses propositions, ce qu'il a à proposer, ce qu'elle ou il a observé ici, sur le mouvement, sur la société. J'exige la nomination de juges d'exception, chargés d'enquêter et de juger tous ceux qui, individuellement ou via leurs entreprises, se sont crus autorisés d'échapper au paiement de l'impôt. J'exige l'instauration sans délai d'une taxe sur tous les mouvements financiers. J'exige la nomination par tirage au sort, sur la base, par exemple, des listes électorales, de citoyens en charge de la surveillance des représentants de l'État et des décisions prises par nos gouvernants. Nous devons, en tant que citoyens, reprendre le pouvoir sur ceux qui gèrent notre destinée. Nous avons tous la capacité de veiller au bien commun. Je veux que ces citoyens, choisis par le sort, aient le pouvoir de destituer les représentants qui défailliraient, soit parce qu'ils n'appliqueraient pas nos lois, soit parce qu'ils dissimuleraient leurs malversations. Il y a, par exemple, une doléance sur l'entraide entre élèves. Introduire dans l'éducation scolaire l'entraide entre élèves depuis la plus petite enfance, en contrôlant que ceux qui comprennent les premiers expliquent ou aident les autres, plutôt que de rester dans la compétition. Voilà, c'est une petite sélection. Vous pouvez venir apporter les vôtres, apporter vos idées, vos propositions, et elles seront traitées, triées, corrigées si vous êtes mauvais en orthographe, de manière à ce que l'avenir se souvienne de militants engagés. Ah, ok. Adnan. I'll speak in English. Okay, traducteur? Yes. Yes, okay. Hello, everybody. It's Adnan from Libya. I'd like to talk about the situation in Libya. I would like to talk about the situation in Libya, which is really bad nowadays, especially yesterday. Yeah, especially yesterday. You know, ISIS attack, you know, the military in Libya, and they killed about nearly 40 people in suicide bomb attack. Alors, il vient de Libye. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent pas, histoire que je sache à qui je m'adresse. Donc, Adnan vient de Libye et il voudrait vous parler de la situation qui est là-bas, qui est grave, très grave. Et notamment hier, où il y a eu une attaque terroriste qui a fait près de 40 morts. It's up to you. So we need the government to help, you know, the new government in Tripoli, you know, to confront this problem, to tackle it, you know, and to help us to support, you know, the military in Libya to tackle this, you know, bad people from Sirte. So they help us during the revolution to bring down Gaddafi's regime. So we need them to help us in our bad time now. Yes. Donc le gouvernement a aidé à attaquer le régime de Gaddafi et donc il est maintenant ils ont besoin d'aide pour combattre l'État islamique. So the government supports us in Gaddafi's time and they left us in the worst situation we're going through it. As a Libyan, I would say, you know, they let us down, especially nowadays. We're suffering from, you know, from ISIS attacking everywhere. They attacked Misrata yesterday and they killed about, you know, 37 people exactly. And about 50 people were injured. There are differences in the injury. Some of them they have a really bad injury, and some of them they have medium injury. And we need the French government and the European Union to help us to tackle this, you know, bad people, and to make a no-fly zone and to attack them from the air, from the air. Yes. Donc, en tant que Libyen, il peut dire qu'il se sent complètement laissé tomber depuis que le régime de Kadhafi a été renversé et que maintenant il y a besoin d'aide pour combattre l'État islamique. Il y a eu donc, il a dit 47 morts exactement et une cinquantaine de blessés, dont des blessés graves. Et donc, il faut faire du bruit, faire remarquer au gouvernement français ainsi qu'à l'Union européenne qui a vraiment besoin d'aide là-bas et qu'il est temps de s'unir pour combattre l'État islamique. I would like to say thank you so much for paying attention for me. And we hope the military assistance from the French government can help us and do something. Thank you so much. Merci de votre attention et voilà. Dans ma poubelle. Bon, il y a un pot de yaourt, des trucs de... des dosettes de café, mais ça normalement on les recycle. Hop. Ça doit pas aller dans la poubelle. Il y a du pain, du vieux pain sec, de la peau de banane. C'est un peu dégueu quand même. Un emballage de mozzarella. Un emballage de petits fromages là, de petits cabécous, là, un truc en bois, un petit peu en carton bois. Voilà, je peux pas aller plus loin, là, c'est vraiment un peu dégueu quand même. Par contre, je peux faire le tour du bac à recyclage. Il y a une bouteille en plastique, une bouteille de vin, des rouleaux de PQ, des boîtes de gâteaux et une poche en plastique. Voilà, ça c'est pour le recyclage. Je pense que la poubelle, c'est quand même un petit peu moins intéressant que le frigo. Mais bon, c'est pour Radio Debout, alors. Radio Debout. peux pas être là. De 20h à minuit, tu trouveras le podcast sur SoundCloud. De retour, place de la République. Les menaces de pluie ont disparu, le ciel est dégagé, la place l'est moins, les commissions sont au travail. Il y a une certaine affluence à l'AG et puis aussi beaucoup de gens qui se promènent et notamment beaucoup de visiteurs qui viennent nous voir sur le stand de Radio Debout. Manon. Alors on est aujourd'hui, même ce soir, même maintenant, avec Léa et Lucille de l'association Génération Cobaye. Alors peut-être juste nous rappeler ce que c'est cette association pour commencer. Bonsoir. Alors Génération Cobaye, c'est une association de jeunes pour les jeunes qui sensibilise au lien entre environnement et santé et donc aux dangers que les pollutions environnementales ont sur la santé des gens et sur les causes des maladies chroniques, etc. Pollution environnementale, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe beaucoup de choses, oui. Ça regroupe les pesticides. Ce qu'on peut trouver dans les aliments, les additifs alimentaires, tout ce qui est lié à la qualité de l'air, donc les textiles, la pollution dans l'air, etc. Ce qu'il y a dans les peintures. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a dans les capotes aussi. Voilà, mais je pense qu'on va en parler un peu après. On va en parler, ouais. Donc sur toutes ces pollutions environnementales, et comment c'est venu cette idée d'association en fait? Alors en fait, à la base, c'était quelques amis qui ont eu un de leurs amis justement qui avait la vingtaine et qui est décédé d'un cancer foudroyant. Et donc ce groupe d'amis était un peu choqué que quelqu'un puisse mourir si jeune d'un cancer, parce que normalement on pense que les cancers ça arrive qu'aux vieux. Et donc suite au décès de cet ami, ils ont voulu réagir et ils ont lancé un appel de la jeunesse pour que les jeunes soient sensibilisés, déjà pour essayer de comprendre ce qui pouvait faire que si jeune on puisse tomber malade d'un cancer, et du coup essayer de sensibiliser les gens à ces problèmes et trouver des solutions pour éviter que ça se reproduise. Alors est-ce que justement c'est quoi vos méthodes, mais vos pôles d'action pour sensibiliser et puis ensuite pour peut-être changer les comportements chez les jeunes? Alors on a plusieurs modes d'action. Tout d'abord, on est pas mal sur de nombreux festivals tout au long de l'année. Là, cet été, on va être présent par exemple au Solidays, Wheel of Green, Cabaret Vert, plein de festivals où on va parler aux jeunes. Également, on fait des campus, on organise des campus. Oui, on organise des conférences qui s'appellent un campus sur une thématique donnée une fois par mois pour informer les gens qui le souhaitent. Université ou pas forcément ? Non, c'est ouvert à tous en fait, tous les gens qui veulent. Donc ça parle vraiment de tout et ça permet de s'informer avec un expert sur une question donnée. Pour toucher le grand public, qu'est-ce qu'on fait? On organise des conférences sur les campus, donc dans plein de grandes écoles, universités, etc., qui s'appelle la conférence de l'éco-orgasme, on parle de ces problèmes-là de manière un peu fun. Et notre dernier type d'action, c'est des ateliers do-it-yourself, donc pour apprendre à faire ses propres cosmétiques, pour contrôler ce qu'il y a dedans et du coup éviter des produits toxiques. Est-ce que vous avez des chiffres un peu justement sur le lien entre, pesticides et cancers ou pollution atmosphérique et cancer, ou enfin voilà, surtout auprès des jeunes en fait, puisque c'est plutôt la population que vous visez. Des chiffres, je pourrais pas en sortir là comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est très difficile à établir comme lien le lien entre quelqu'un qui a été soumis à des pesticides et qui ensuite a un cancer, parce que c'est sur du long terme. C'est pas je suis soumise à un pesticide, bam, 3 jours après j'ai un cancer, comme je vais au froid, bam, j'ai un rhume. C'est sur du long terme et c'est sur le temps d'une vie, donc il y a des études qui essayent de souligner ça, mais c'est vraiment difficile à mettre en évidence. Peut-être. Les quelques chiffres qu'on a par exemple, c'est les perturbateurs endocriniens, donc les pollutions environnementales, ont de nombreux effets, donc il y a les maladies chroniques, il y a aussi, comme c'est des perturbateurs hormonaux, il y a aussi un effet sur la reproduction. Donc on sait qu'en 50 ans, la qualité du sperme a diminué de moins 50%. donc c'est déjà énorme. Et on sait qu'il y a de plus en plus de couples qui ont du mal à concevoir des enfants après l'arrêt de la contraception. Et au niveau des maladies chroniques, les chiffres, c'est un homme sur deux et 2 femmes sur 5 auront un cancer au cours de leur vie. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont mourir d'un cancer, mais non, ils mais auront un cancer. Ils passeront par cette, voilà. cette étape-là. Ouais, c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Nous avons la plaquette sous les yeux. Peut-être c'est pas le cas des auditeurs. Peut-être que vous pouvez justement à travers des exemples concrets nous expliquer ce que vous proposez. Oui, parce que Génération Cobaye, c'est beaucoup de sensibilisation, mais c'est aussi tout de suite donner des solutions pour pas rester dans un climat anxiogène et pour que ça reste positif et montrer qu'on peut déjà faire des choses pour éviter ces pollutions. Donc en fait, on a fait un petit poster, un petit flyer des 7 commandements de l'éco-orgasme. Et donc en fait, c'est pour se faire plaisir sans se faire du bien, sans se faire de mal. Voilà. Et donc il y a 7 étapes, et ça va du plaisir solitaire aux relations sexuelles en passant par toutes les petites étapes du quotidien, donc les cosmétiques, quand on se fait belle ou beau, quand on va au restaurant, quand on rentre chez soi, etc. Donc par exemple, on parle des phtalates, par exemple, quelque chose qui est un peu difficile à dire, mais on y arrive. Phtalates, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les plastiques, par exemple, et dans les sextoys. Donc on commence par ça parce qu'on a trouvé ça rigolo. Dans tous les plastiques ou un certain type de plastique? Dans grand nombre de plastiques, ouais. Il y a plusieurs types de phtalates en fait. Enfin, c'est très vaste. Et donc du coup le plastique, bah, y en a partout. Il y en a dans les sextoys, il y en a dans les biberons, il y en a dans les contenants alimentaires. Il y a le bisphénol A par exemple qui a été interdit dans les biberons récemment. Ça a aussi été interdit dans les tickets de caisse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut éviter assez facilement. Il suffit de choisir les alternatives nombreuses qui existent. Donc par exemple, le bois, le verre, le bambou, l'inox. Et oui, même l'inox et le verre et le bois, ça existe pour les sextoys. Donc on voilà. On va savoir. On n'aura pas perdu notre soirée. Donc à part il y a les sextoys, mais si on va par exemple au numéro 6 sur les préliminaires culinaires. C'est ça. Donc les préliminaires culinaires, on essaie d'alerter sur les additifs alimentaires qui sont présents dans de nombreux aliments. Et ça, bah, pour l'instant, la solution la plus simple, c'est de consommer bio ou de faire soi-même ses aliments, pour, enfin pas ses aliments, mais sa cuisine, pour savoir exactement ce qu'il y a dedans. Mais alors, est-ce que du coup, tout ce que vous prenez, vos différentes solutions, est-ce que les gens, les jeunes auprès de qui vous allez faire de la sensibilisation, ça marche? Est-ce que vous avez une écoute attentive ou ils vous disent j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, ça me fait chier? Il y a de tout. On peut voir aussi. Oui, en général, les gens sont assez réceptifs à notre message parce que c'est amené de manière rigolote et pas du tout prise de tête et culpabilisante pour les gens. Donc les gens sont plutôt bienveillants. Et après, effectivement, il y en a qui vont me dire le bio, j'ai pas assez d'argent ou j'ai pas le temps de faire ma cuisine moi-même. Mais en fait, la plupart des bénévoles de l'asso, on est soit des étudiants, soit des jeunes actifs. Donc je veux dire, on connaît aussi ces problèmes-là. Moi-même, je suis étudiante, je gagne pas des milliers et des cents. Et pourtant, j'arrive à consommer pratiquement que du bio et à faire ma cuisine. Donc après, on peut donner des exemples de notre propre vie. Par exemple, acheter un producteur local sa nourriture, ça coûtera moins cher que d'aller dans un grand magasin acheter des trucs qui viennent d'Espagne. Voilà. Et justement, on les renvoie aussi sur les ateliers qu'on fait. Donc pour l'instant, on fait beaucoup d'ateliers cosmétiques, donc pour apprendre par exemple à faire son dentifrice ou sa crème de jour. Mais on essaie de développer ces ateliers pour la nourriture, par exemple, pour montrer voilà, que c'est simple, en fait. C'est pas si compliqué. En quelques minutes, on peut se faire un dentifrice sans produits chimiques et efficace. Et le déodorant aussi, par exemple. Toutes ces informations, on peut les retrouver sur des sites internet. Hein, alors, c'est par exemple le site www.generation-cobaye.org. Vous avez une page Facebook, vous avez aussi Twitter, avec donc CG Cobaye ou Génération Cobaye. Oui, tout à fait. On a un site assez fourni avec plein d'infos plus précises sur tous les sujets qu'on vient de donner. Sur Facebook aussi, on partage des articles intéressants. Voilà. Et alors, si vous aviez un conseil à donner aux gens de Nuit Debout, par exemple? Pour se faire du bien sans se faire de mal, c'est pas se mettre la pression, commencer petit à petit par ce qu'on a envie, Voilà, si on veut faire attention à ce qu'on mange, bah, commencer par ça. Si on veut commencer par les produits de beauté, bah, faire commencer par ça. Nous, on n'est pas du tout dans tout faire d'un coup. Enfin voilà, on est vraiment, on essaie d'être bienveillant là-dessus. On accompagne les gens dans leur envie de changement et juste leur apporter les informations nécessaires pour qu'ils fassent leur propre choix de consommation. Voilà, mais en tout cas pour des alternatives concrètes, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site. On fait des articles assez souvent, Lucille s'en occupe, pour donner des solutions concrètes. Très bien, bah, merci beaucoup. Nous, on va repasser à l'AG et voir ce qui s'y passe. C'est monsieur Clochard pour moi. Maintenant, on se bat ensemble, ou sinon, la nuit debout tombera. Faut se battre et continuer à pouvoir nous suivre. Maintenant, si vous voulez avoir une annonce, passez me voir. J'ai une annonce à donner discrètement. Téléphone arabe, passez et venez me voir. C'est la commission SDF, Sologi, Nomades, Sauterrain, Nuit debout. Donc, j'ai une opposition radicale. Kader, vas-y. Bon, je m'excuse de réintervenir là-dessus. J'ai dit un peu hier soir un peu ce qui s'est passé parce que je suis resté de 11h jusqu'à l'ouverture de la Nuit debout là-bas. Là où ils nous ont. Là-bas, c'est-à-dire à la fin du boulevard Magenta, en bordure de la place, où ils nous ont repoussés vers midi et demi, quand la police est arrivée à occuper la place. Vous savez qu'hier, cette place-là, elle était complètement entourée de barrières. Complètement. Ils n'ont même pas eu le bon sens de la séparer au moins en deux. De toute façon, les flics ne sont pas venus de ce côté-là. Ils se sont groupés de l'autre côté. Bon, s'il te plaît. Tu me laisses parler. Bon, je ne t'écoute pas. Bon, donc, ils ont pris la place de l'autre côté. Cette place-là, elle était inoccupée. Et au lieu que les autorités, la préfecture répondent à notre demande, c'est-à-dire que soit elles délocalisent le rassemblement de la police à une autre place comme on l'avait demandé, soit Concorde, place Beauvau, les Invalides, Montparnasse, Bastille, ils avaient toutes les places de Paris pour faire leur bazar et qu'ils n'avaient pas à venir ici pour nous affronter, premièrement. Deuxièmement, il y avait une autre. S'il te plaît. D'autre part, il y avait une demande de manifestation pacifique contre les violences de la police ici même. Et ils ont refusé le jour même à 11h, c'est-à-dire hier à 11h. Ils sont venus mettre le papier aux mains propres à la personne qui avait signé la déclaration. Bon, maintenant, par rapport au racisme, le problème pour lequel je devais intervenir. C'est pas vrai, il n'y avait pas de. Je veux dire, il peut y avoir une exception qu'ils ont peut-être laissé passer. Ils ont laissé passer peut-être des Français, peut-être pas des Blacks ou des Arabes, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, à la place où j'étais, écoutez, l'absurde, c'est qu'ils ont ouvert la circulation aux voitures, aux vélos et aux motos et ont laissé pas passer les piétons, ce qui est stupide, complètement ridicule et absurde. Les piétons qui venaient travailler ici, on ne les laissait pas passer, que ce soit français, noir ou machin, eh bien c'était pour tout le monde pareil. Et ça avait fini par une handicapée, une personne de plus de 75 ans, handicapée qui voulait venir à pied comme ça, ils n'ont pas voulu la laisser passer. Voilà, et ça c'est pas dire raciste, c'est des ordres à la con reçus de là-haut. Moi, je voulais vous dire, le monsieur qui vient de parler, il n'était pas là dès le début. Moi, je suis arrivé, il était 9h30. Okay, bon, on se fait jarter comme des merdes. Voilà. Tu veux essayer? Poncho mandan, poncho mitiu. Vous écoutez à Radio 2. Vous écoutez Radio 2. Vous êtes debout. Vous écoutez Radio 2. Radio 2. Nous sommes debout. La radio. Vous écoutez Radio Debout en direct de la place de la République où à l'AG de temps en temps des prises de parole sont orageuses, même si au-dessus de la place de la République il n'y a aucune pluie annoncée dans les prochaines minutes. Nous sommes avec sur la place de la République, je ne sais pas si ça sera le rassemblement, si c'est le lieu de rassemblement, samedi 82 mars, d'une manifestation. Pour ceux qui sont en mai, le 21 mai. Qui est appelé par les engraineurs et nous sommes Manon avec deux engraineurs, avec Cédric et Benjamin. Salut. Salut, bonsoir. Alors, on va peut-être commencer par vous demander ce que c'est le collectif des engraineurs. Je ne sais pas si c'est un collectif, une D'accord. association peut-être. Alors c'est la marche contre Monsanto le 21 mai. Ouais. C'est... marche mondiale contre Monsanto. Le collectif citoyen, les engraineurs, c'est un collectif de gens qui sont rassemblés sur la première organisation de marche contre Monsanto en 2013, qui était un événement complètement autogéré, mondial. Et il y avait un appel pour que chacun s'en empare. Et il y a eu 1500 personnes sur cette premier rassemblement à peu près. Ah, 1500 à Paris, en à Paris, France, sur Paris. Il n'y a eu que Paris la première année en France. Le collectif est né comme ça et à la fin, il y avait une trentaine de personnes qui étaient motivées pour... pour continuer. Ouais, qui sont rencontrées à travers l'organisation de cet événement et de cette marche et qui après ont voulu continuer. Et de ça, on a créé le collectif Les Engraineurs en travaillant sur une charte de valeurs. Mais on n'est pas une association, on travaille sans argent, sans statut. Vous êtes juste des gens qui vous réunissez et qui réfléchissez sur ces questions-là. On agit plus qu'on réfléchit. D'accord. Alors, donc, outre cette marche mondiale contre Monsanto, mais peut-être on pourra en reparler, vous faites quels autres types d'actions ? On est passé rapidement en fait, sur des actions contre le TAFTA, le traité transatlantique, qui est sorti un an après qu'on ait créé le collectif, en se disant qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas encore de démarche qui était lancée et que de toute façon, ça ne servait à rien de se battre contre Monsanto si un traité comme le TAFTA passait. Quoi. Nos actions, on dit engraineurs parce que ce qu'on veut, c'est engrainer les gens. Nos actions sont cibles grand public, pas du public convaincu déjà. Donc on fait des actions de rue, théâtrales, drôles ou des fois des actions directes d'interpellation. C'est notre mode d'action en fait. Et alors, justement, pour revenir à Monsanto et donc à cette marche le 21 mai, donc tous les ans maintenant, il y a une marche, c'est ça, contre Monsanto ? C'est ça, c'est la quatrième cette année qu'on organise. D'accord. Et alors, c'est pour alerter à la fois le public et les pouvoirs publics contre les méfaits d'une telle société ? C'est... Monsanto sert un peu de cheval de Troie. En fait, derrière, c'est vraiment toutes les multinationales, semencières et qui produisent les pesticides. Et Monsanto est aussi le leader mondial des OGM. Donc c'est vraiment sur ces thématiques-là. On continue la lutte sur les OGM qui est entamée depuis longtemps en France. C'est de maintenir la pression sur les pouvoirs publics pour justement qu'il n'y ait toujours pas de culture d'OGM en France et que le moratoire soit maintenu sur la culture d'OGM en France. Mais on réclame aussi maintenant, cette année, plus de transparence alimentaire parce qu'il faut savoir que les animaux nourris aux OGM, ce n'est pas indiqué sur l'étiquetage. Il n'y a aucun étiquetage qui permet de savoir ça et c'est ce qu'on réclame maintenant et c'est un peu le sens de la marche cette année. Quoi. Vous, les engraineurs, il y a d'autres, il y a notamment, je pense à Greenpeace, je pense à des collectifs de consommateurs qui travaillent aussi sur ces questions-là. Comment vous vous situez par rapport à eux ? Comment vous travaillez avec eux ? Alors c'est assez différent en fait, les engraineurs c'est un collectif citoyen, donc c'est complètement informel, je dirais que c'est assez liquide, c'est-à-dire que les personnes qui vont participer aux différentes actions varient systématiquement, l'implication de chaque personne varie en fonction de tout un tas de facteurs spécifiques au moment, à l'action, et on ne s'inscrit pas du tout dans une démarche de... d'analyse d'une situation sur laquelle on va faire une prise de parole. L'idée, c'est vraiment à rapprocher de l'éducation populaire. Notre leitmotiv, c'est vraiment d'aller dans la rue, parler avec les gens au sens le plus large possible, des sujets de société qui nous semblent importants et qui touchent tout le monde. Donc on ne se situe pas vraiment sur le même plan, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter. Après, on travaille en bonne intelligence avec eux. Cette année, il y a une campagne sur l'étiquetage des animaux nourris OGM qui est menée par une association qui s'appelle Consommateurs pas cobayes et avec qui on travaille étroitement. Et puis même après la marche contre Monsanto, dans l'idée justement d'éducation populaire aussi, on fait intervenir des spécialistes pour les gens qui viennent à la marche. Et cette année, on travaille avec la Confédération paysanne, on travaille avec le tribunal contre Monsanto, Consommateurs pas cobayes aussi comme association. Donc voilà, on est en bonne intelligence avec eux. D'accord, alors des gens concernés et ayant envie de faire des actions contre Monsanto et contre tous ces dangers, qu'est-ce que vous leur diriez pour peut-être venir plus voir plutôt qu'aller vers Greenpeace? Quelles sont vos motivations à vous personnellement pour avoir choisi plutôt les engraineurs que Greenpeace par exemple? On a choisi les engraineurs parce qu'on les a fondés, on les a nourris, on les a fait grandir, mais c'est un petit collectif informel, hein, entre 15 et 30 personnes, mais l'année dernière, on a réussi à faire venir 6500 personnes à la marche contre Monsanto parce qu'on est dans une démarche, on essaie de faire une démarche un peu large du public qu'on va toucher, pas que du public justement concerné au premier degré ou toujours averti, mais voilà. Cédric, vous rajoutez quelque chose ? Et aussi, il y a peut-être une... En fait, on connaît très bien des militants de Greenpeace, on a fait des choses avec eux et d'autres organismes plus officiels. Il y a aussi une différence qui pour moi était importante dans mon implication avec les engraineurs, c'est le fonctionnement qui se veut horizontal et qui est, je peux le dire maintenant rétrospectivement, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint moi le collectif, c'était de participer à ce fonctionnement. La charte du collectif est d'ailleurs très explicite sur le site du collectif. Et du coup, ce fonctionnement horizontal est quand même très différent de ce qu'on peut voir habituellement comme structure d'organisation, qui, sans forcément les critiquer, qui peuvent être efficaces. En tout cas, pour moi, ça a été un facteur super important dans mon implication dans les engrenages. Et justement, en ce moment, sur ces thématiques-là, j'ai l'impression qu'il y a une actualité un peu chargée. Je sais que... Je crois qu'aujourd'hui, le Parlement européen est en train de voir s'il autorisait ou pas l'un des composants du Roundup. C'est ça ? C'était ça. J'ai été tellement pris de la journée que je n'ai même pas le temps de regarder les news qui l'entendaient. Donc, vous parlez du glyphosate. C'est ça, je ne me souvenais plus du nom sur le moment. Molécule active du Roundup. Roundup qui est l'herbicide best-seller de Monsanto, là où il tire le plus de bénéfices. Et qui est aussi l'herbicide qui marche avec les OGM. Les OGM sont des plantes qui tolèrent un herbicide, le Roundup. Et en fait, quand vous achetez des semences modifiées transgéniques de Monsanto, elles sont faites pour marcher avec le pesticide de Monsanto. Et c'est là où c'est bingo, quoi. C'est ça. Donc, il faut avoir la plante Monsanto et l'herbicide Monsanto pour que ça marche. Et donc c'est aussi contre ça pour lequel vous vous battez, notamment, je le répète, la marche mondiale contre Monsanto du 21 mai. Alors justement, marche mondiale, vous êtes aussi en contact avec d'autres associations de ce type à l'étranger ? L'année dernière, on a soutenu les Burkinabés, où il y avait une grosse mobilisation contre le coton transgénique. Donc le Burkina était devenu le premier pays africain à cultiver le coton transgénique. Et suite à la révolution qu'il y a eu au Burkina, il s'était retourné contre ça. Et en plus, il y avait un échec de la culture du coton transgénique, qui était de plus mauvaise qualité et avec un problème d'endettement assez fort pour les paysans. Et donc on a travaillé avec eux. Ce qui était drôle, c'est qu'ils avaient repris on fait de la communication aussi, donc on a eu des graphistes qui avaient fait des visuels. Ils les ont repris au Burkina. Et on a aussi, on avait reçu des dons. Il y a une association avec qui on travaille qui s'appelle Combat Monsanto. Je suis membre de cette association-là. En fait, ça remonte à un engagement qui était avant les engraineurs. Et donc, en fait, on a décidé de verser la moitié des dons qu'on avait dans l'année au Burkina Faso parce qu'on est dans une démarche où on travaille sans argent. En fait, on veut aussi... C'est la différence avec les associations, c'est qu'on est horizontal. Mais on voulait aussi renouveler le bénévolat et dire on peut faire du bénévolat associatif sans argent, mais avec valoriser les moyens humains et un peu tout ce qu'on a tous sous le coude, la récup et tout ça. Et pareil, on est dans des squats sur Paris pour se loger, quoi. Et dans votre combat, justement, contre Monsanto, qu'est-ce que vous demandez exactement ou quel serait dans l'idéal le but à atteindre, c'est de démanteler cette multinationale, ou plutôt le système qui la porte? Alors cette année, on a une revendication forte, en fait, c'est de taper au portefeuille en ciblant les distributeurs. Et effectivement, le fait de se dire qu'aujourd'hui, les OGM, on est bien content parce qu'on s'est battu en France pour pas qu'il y ait de culture dans les champs et aussi qu'il y a un étiquetage obligatoire des produits qui contiennent des OGM, donc tout ce qui sont aliments. Donc finalement, les distributeurs n'ont pas fait d'aliments qui contiennent des OGM. Vu qu'il y a l'étiquetage obligatoire, les gens ne l'achèteraient pas, donc on n'en distribue pas. Par contre, les OGM sont importés du Brésil, de l'Argentine, des États-Unis, du Canada, en France. Et là, ils ne sont pas étiquetés. Voilà, pour nourrir les animaux, mais pour nourrir les animaux, en fait. Donc tout le bétail, les poulets, les œufs, voilà. Et là, nous, on réclame cette année un étiquetage qui dit, voilà, les animaux ont été nourris aux OGM, parce qu'il y a un choix du consommateur qui est légitime là-dessus et qui engage un choix écologique. Et il y a des lois pour faire passer ça. Et là-dessus, on peut taper au portefeuille après, quoi. Oui, parce qu'il y a du travail, parce que déjà sur l'étiquetage des animaux, enfin de la provenance ou du type d'animal, on a eu des problèmes. On se rappelle des lasagnes, etc. Donc pour l'alimentation des animaux qu'on mange, ça, c'est le niveau au-dessus, mais c'est vrai que ça serait plutôt salutaire. Alors après, on peut y aller progressivement, c'est-à-dire que déjà les labels de qualité français n'évoquent pas du tout le fait de nourrir avec ou sans OGM. Par exemple, si on prend le label rouge, en fonction de la filière label rouge, que vous soyez sur des œufs, du lait ou de la viande, certains cahiers des charges vont exclure les OGM et pas d'autres. Là, c'est un gros problème. Après, il y a eu des marques de grande distribution qui ont développé par elles-mêmes des filières d'animaux nourris sans OGM et du coup qui ont créé leur propre étiquetage là-dessus. Donc voilà, ça, il peut y avoir des démarches individuelles, on peut faire pression sur les labels. Malheureusement, ouais, quand vous aurez du poulet en batterie, nourri, produit en Allemagne, abattu à bas coût et vendu en discount, vous êtes sûr et certain qu'il est nourri aux OGM, tout comme les poulets de premier choix faits dans d'autres pays. Quoi. Et est-ce que vous avez l'impression qu'en France, cette question justement des pesticides, des OGM, pour les gens qui ne sont pas forcément sensibilisés dès le départ, est-ce que ça accroche ou est-ce que les gens vous disent qu'il y a d'autres problématiques plus importantes pour le moment ? Ça dépend des gens. Ouais, non, mais dans les grandes tendances, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus de monde s'intéresse vraiment à ce qu'il y a dans la nourriture qu'on mange tous, parce qu'il y a tout un tas de sujets qui sortent régulièrement sur ce thème, et ça touche à la santé, ça touche aux enfants. Donc j'ai l'impression, et en même temps, j'ai envie de voir ça, donc je sais pas si c'est très objectif, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une sensibilisation accrue. Par exemple, l'idée de demander un étiquetage des produits, au lieu d'étiqueter des produits bio et de faire un label bio, de plutôt étiqueter les produits qui sont pas bio, comme des produits issus de l'agriculture chimique. On a un logo AC qui est sorti, qui devrait être sur tous les produits pas bio. Et le produit bio ne devrait pas être étiqueté bio. C'est un produit naturel, simple. Et c'est un peu ça l'aboutissement de ce qu'on aimerait voir arriver un jour. D'inverser, en fait, que la norme soit le bio. En fait, la norme a été inversée par le marché, finalement, et ce serait quand même pas mal que ce soit réinversé, quoi. Très bien, bah, merci beaucoup, en tout cas. Donc, je le rappelle, il y a la marche mondiale contre Monsanto, et c'est rassemblement à 14h30, place de la République, pour ceux qui sont à Paris. Ouais. Et je veux juste rajouter que la marche mondiale contre Monsanto, cette année, Nuit Debout est complètement impliquée, la commission écologie est vraiment, vraiment impliquée, et c'est pas du tout un événement uniquement des engraineurs, en tout cas beaucoup moins que les autres années, ça mérite d'être précisé. Ça fait partie de la convergence des luttes. Ouais, voilà. Et convergence des luttes, on rejoint le marché de la Confédération paysanne qu'à Stalingrad, la ferme à Paris. Et voilà, il y a plusieurs interventions. On va parler du TAFTA aussi. Et ça, c'est quand ? C'est juste après la marche. D'accord, en fait, la marche part de République jusqu'à Stalingrad pour rejoindre la Confédération paysanne, où il y aura des prises de parole. On va parler du TAFTA aussi, le traité transatlantique. Ouais. Il y a deux concerts. Après, il y a les Gueules de Wab et la rue qui est à nous. Et cette année, on a quand même battu le record de participation en France avec 41 villes inscrites. Et on est aussi sur une démarche autogérée. Donc, c'est un peu comme la Nuit Debout. C'est chaque ville s'empare de l'événement, l'organise à sa façon, en reprenant les idées, mais voilà, c'est nous, on est organisateurs de la marche à Paris, et il y a 40 villes en plus qui s'organisent en France. Alors justement, on veut participer en province à ce mouvement, à cette marche. On les trouve où, les informations ? Alors les informations sont sur le site de Combat Monsanto, donc combat-monsanto.org, et il y a la liste des 40 villes avec tous les rendez-vous donnés dessus. Ok, très bien. Et ben merci beaucoup. Merci Radio Debout. Alors, dans mon frigo, il y a une petite bouteille de bière en verre, à côté d'un bocal de soupe de poisson. Il y a une préparation pour faire des des latkes, des beignets de pommes de terre. Il y a quelques fruits séchés. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'ils font là. Il y a de la crème fraîche, des œufs bio, deux petites compotes, un pâté entamé, un Tupperware avec du jus, du bouillon de légumes, enfin de l'eau qui a servi à cuire des légumes, qui est dans un Tupperware en attendant d'être utilisé pour faire un risotto ou un truc comme ça. Il y a un fond de jus de pamplemousse. Dans le compartiment à fromage, il y a alors là toutes sortes de fromages. Hein, on est sur un plateau, voilà, camembert, fromage de chèvre, comté, un peu de feta, un petit restant de brebis. Ouais, là on est. Le compartiment fromage est bien fourni. Un peu de fromage râpé. En dessous, on a le compartiment légumes avec un bulbe de fenouil, une endive, 6 tomates, une aubergine, des petits navets et quelques carottes, 3 carottes. Alors à l'étage du dessous, il y a encore des légumes. Donc là, il y a des concombres, encore des carottes, donc elle est, voilà. Des poivrons. Il y a dans le compartiment à beurre du beurre doux. Et en dessous, donc, on trouve alors là tout un tas de sauces diverses et variées. Il y a une sauce mexicaine de chili. De la moutarde. Des confitures, alors il y a une confiture, une gelée de coin, qui d'ailleurs est un peu liquide, une gelée de coin fabriquée par maman, une confiture d'abricot qui nous a été apportée par Pierre. Il y a, à l'étage du dessous, il y a encore des sauces, alors il y a de la sauce soja, de la sauce nuoc mam, une pâte de curry épicée, une pâte de curry vert. Il y a un sachet de miso, condiment miso. Il y a aussi un morceau de chocolat, ouais, dans son paquet. Un petit restant de café. Il y a un vernis à ongles, voilà. Parce qu'il paraît qu'il faut les mettre au frigo pour qu'ils tiennent mieux. Encore en dessous, nous avons une bouteille de vodka polonaise. Au miel, qui n'est pas entamé. Et à côté, alors là on est dans l'insolite, hein, un jus de choucroute. Un jus de choucroute, une bouteille de jus de choucroute qui n'est pas entamée non plus, qui a été achetée en prévision d'une journée jus de légumes, voilà, qui n'a pas eu lieu. Il y a une bouteille de lait entamé. Alors habituellement, il n'y a pas de lait dans ce frigo, mais il se trouve que là, il y en a une parce que le lait a servi à fabriquer un cake. Et à l'étage du dessus, il y a encore un fond de vodka. Et ça, vraiment, je suis vraiment navrée que ce soit dans ce frigo. Parce que du coup, je passe pour quelqu'un qui aime beaucoup boire de la vodka. Un petit fond, hein, donc elle a quand même été, elle a été bien entamée, cette bouteille de vodka. Et il y a une bouteille en verre avec de l'eau dedans, de l'eau du robinet. Et là, j'ai fait le tour du frigo. Et donc, il y a aussi un petit compartiment congélation dans lequel il y a un reste de baguette, un reste de glace et des herbes congelées, coriandre, aneth, persil, etc. Je crois qu'il y en a d'autres. Voilà, c'était le contenu du frigo. Eh, il faut avoir un CDI pour avoir un appartement. Oh là là, bah oui, bah tout le monde le sait, il faut avoir un CDI. Et quand t'as un CDD, ça passe pas. Alors les mecs, ils vont dire, bah oui, alors bon, t'as un CDD, ok, j'accepte. Mais si je peux te virer plus facilement quand tu peux pas payer, eh ben je te vire. Donc le mec, bah forcément, pas de problème, je te prends, puisque je peux te virer C'est logique. Eh ben ouais, c'est logique. Sur le papier, c'est logique. Eh ben oui, je vous le dis. Sur le papier, c'est logique. Si tu peux te virer plus facilement, tu peux embaucher plus facilement. C'est logique. Maintenant, voilà. Eh, c'est logique. Eh voilà, c'est clair. Maintenant, ça n'a rien d'humain. Ça n'a rien. 2-3 minutes. Il me reste 2-3 minutes. Une minute. Eh ben, ça suffit pour dire que tout ça, ça n'a rien d'humain. Et c'est ça le problème. C'est ce que, en fait, quand tu perds ton boulot, eh ben, tu perds ton appart. Tu perds tout. Voilà. Tu perds tout, tout simplement. Et c'est pour ça que ce qui est faisable sur le papier, eh ben, c'est pas faisable humainement parlant, tout simplement. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Quand on aime l'humain, on vote humain. Soyez humain. Merci, messieurs, dames. Merci, Arnaud. Si tu as envie de le dire, dis-le. Quoi ? Rien, même si tu as envie de rien dire. T'as envie de rien dire, viens le dire à la radio debout. Demain, quoi. Demain, quand tu veux. Plutôt demain. Ouais, quand tu veux, pourquoi demain quoi. Non, c'est radio debout, pas radio demain. Le blaireau. T'es un fréquent, toi. Casse-toi. Bon, à debout. Alors, j'ai été convié par la commission écologie à venir parler, échanger autour des problématiques agricoles et alimentaires, en fait. Voilà. Il se trouve que comme je fais partie du secrétariat national de la Confédération Paysanne, je passe à peu près 3 jours par semaine à Bagnolet, c'est-à-dire au siège de la Confédération Paysanne, ce qui m'a amené depuis un mois à passer régulièrement à Place de la République. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous résumer assez succinctement tes activités au sein de la Conf, par exemple ? Alors, le secrétariat national, c'est en quelque sorte c'est l'organe exécutif hein, de la Conf. Il est élu par le comité national qui est l'instance politique. Et chacun de nous 7, on est 7 au secrétariat national, chacun de nous 7 est référent pour un certain nombre de dossiers, en fait, de dossiers entre guillemets. Hein. Et en l'occurrence, moi je m'occupe plus particulièrement des questions de pesticides, d'accords de libre-échange, comme le TAFTA actuellement, ou le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Je suis référent aussi sur toutes les productions végétales, hein, fruits et légumes, grandes cultures, etc. Et puis, de façon plus récente, l'alimentation, qui est un nouveau thème de travail pour la Confédération Paysanne. Alors justement, l'alimentation, en quoi ça consiste ? On considère, parmi les objectifs, nos objectifs, hein, dans cette tentative de mettre en discussion les questions alimentaires, on cherche à faire que la société s'interroge sur une tendance très lourde qui pèse sur nos métiers depuis 60 ans. C'est la baisse massive de la valeur relative de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, le budget alimentaire des ménages, il a été divisé par 2,5 depuis l'après-guerre environ. Comment est-ce qu'il a été comprimé ? Précisément par l'hypermécanisation, la concentration, la production, l'intensification, le recours aux pesticides, bref, le recours à quantité de choses qui posent énormément de problèmes au plan social, environnemental, sanitaire, etc. etc. C'est-à-dire que cette logique-là, elle a amené une agriculture qui est ruineuse pour la collectivité. Elle génère des coûts indirects terribles pour la collectivité, hein, en termes de santé publique, en termes de chômage, en termes de dépollution. Mais elle arrive elle externalise ses coûts, c'est-à-dire qu'elle les fait supporter à la collectivité. Mais au final, elle produit des biens alimentaires toujours moins chers et qui empêchent finalement une agriculture qui chercherait à assumer l'ensemble de ses coûts, et ben finalement d'exister dans le système marchand. Quoi. Merci. Alors du coup, toi, tu es à tout le monde de pouvoir acheter en quantité et de pouvoir finalement se nourrir, quoi. Ouais, mais là, quand tu dis ça, c'est que tu présupposes qu'il est... Tu présupposes qu'une société inégalitaire en termes de revenus est une donnée à laquelle les paysans doivent répondre en assumant eux-mêmes, en prenant en charge par la baisse de leurs revenus, la misère créée par le capitalisme dans le monde extra-agricole. Et ça, on ne l'accepte plus. On en a marre de s'empoisonner, de travailler gratuitement pour nourrir une population que nous ne participons pas par notre activité à paupériser. C'est un ordre qui a transformé. Nous, voilà, on nous dit, Stéphane Le Foll nous a sorti là, au mois de février 2015, que finalement, l'usine des 1000 vaches en Picardie dont on a cherché à empêcher l'installation l'an dernier, ce qui nous a valu une série de procès, le ministre de l'Agriculture nous a sorti qu'il fallait bien assurer l'accès à l'alimentation de tout le monde. Eh ben non. Non, l'existence, la difficulté qu'ont les pauvres à se nourrir, c'est un problème qu'on a à solutionner en transformant l'ordre social dans son ensemble. Et certainement pas en poursuivant cette fuite en avant productiviste en agriculture. Quel rôle nous, merci on beaucoup. Peut jouer par rapport au capital dans notre alimentation et dans notre indépendance par rapport à ça? Mais là, actuellement, et au niveau mondial, on est face à une industrialisation galopante de la production d'alimentation. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est finalement des énormes firmes qui tendent à s'accaparer nos moyens de nous alimenter. Et là, il y a un danger terrible pour notre autonomie en général. Je cite souvent cet exemple de ce qu'a été la première intifada au Proche-Orient, sans qu'il s'agisse de parler de ce cas particulier ou de se prononcer sur la situation là-bas. Hein. C'est pas du tout le sujet, c'est juste une illustration. La première intifada, ça a été une grève générale de 6 mois, lors de laquelle les ouvriers palestiniens ne sont pas rendus dans les colonies ou même sur le territoire israélien pour y travailler. Pourquoi cette grève a pu durer si longtemps ? Précisément parce que les Palestiniens n'étaient pas dépendants de leurs revenus en tant que salariés dans les colonies notamment, pour s'alimenter. Il y avait une agriculture paysanne extrêmement dense en Cisjordanie à cette époque-là, et ils ont pu tenir aussi longtemps parce qu'ils étaient capables de s'alimenter de façon autonome. Qu'est-ce qu'a fait l'armée israélienne dès que cette grève a été finie ? Elle s'est donné les moyens de détruire cette agriculture paysanne et donc de priver finalement la population palestinienne de ces moyens d'être autonome au plan alimentaire. Et ben, cette illustration, on peut la rapporter à notre propre situation. On sait que d'ici 2040, il va falloir qu'on bifurque radicalement, étant donné l'urgence climatique et le rôle du capitalisme productiviste dans cette catastrophe, dans cette catastrophe climatique. On sait qu'il va falloir tout changer radicalement. Si on a perdu complètement notre capacité autonome de s'alimenter, on ne sera même plus en mesure de penser individuellement la possibilité de rompre radicalement avec cet ordre établi. Il y a quelque chose de vital pour l'humanité à cultiver ses capacités de se nourrir de façon autonome vis-à-vis du capital français. Et même d'ailleurs, dans toutes les langues européennes, il y a une expression qu'on retrouve systématiquement quand dans une discussion entre deux personnes où l'un interroge l'autre sur les raisons pour lesquelles il continue ce boulot de merde. Comment la personne qui est interrogée se justifie ? Il faut bien que je gagne ma croûte. Il faut bien que je nourrisse mes gosses. Et voilà. En fait, la question du rapport à l'alimentation, elle est très très liée à la question de la dépendance au travail et à la façon dont tu participes à l'ordre social établi. Et elle a l'air d'être subie aussi par beaucoup de gens, du coup. Absolument. Et dès lors que, si par malheur, on n'a plus de voisins paysans, si on n'arrive plus à s'imaginer capable de se nourrir soi-même, on n'est plus capable psychiquement de penser rompre avec les systèmes de dépendance dans lesquels on est pris. Voilà, donc c'était Emmanuel Haz sur Radio Debout qu'on a rencontré la semaine dernière à l'occasion donc de sa venue dans la commission écologie. Je suis de retour avec Julia. Salut Julia. Bonsoir. Qui est journaliste agricole pour le magazine trimestriel Campagne et Environnement. C'est C'est ça. Alors Juliette, donc toi tu es ingénieur agronome, tu as fait donc une école à Montpellier pour ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait une école d'ingé sur 3 ans et même 4 ans parce que j'ai fait une césure pour voir un peu du pays et voir ce qui se passait dans l'agriculture un petit peu. D'accord. Donc ça t'a permis de profiter un petit peu de l'agriculture pour enfin de sa césure pour voir un petit peu comment ça se passait dans le milieu de l'agriculture. Exactement. Ouais. On pourra en reparler tout à l'heure du coup. Alors justement. Donc là, on vient d'écouter donc le secrétaire de la Confédération Paysanne qui nous a parlé. Mais avant de revenir sur cette interview, je voulais un petit peu te parler justement de la philosophie que tu as de faire du journalisme agricole. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour toi de faire du journalisme agricole et comment tu en es venu à cette idée-là aussi? Eh bien, c'est justement lors de ma césure que j'ai eu l'occasion de faire un stage donc dans l'entreprise où je suis actuellement. Et je me suis rendu compte en fait qu'il existait plein de démarches hyper intéressantes en agriculture dont on n'entendait jamais parler. Et on entendait toujours parler des problèmes liés aux pesticides ou aux problèmes de sanitaires en termes d'élevage. Et je me suis dit, mais voilà, dans les territoires, il y a plein de démarches super chouettes dont on pourrait parler et qui vont dans le bon sens justement d'une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai apprécié, je me suis dit, voilà, ça vaut le coup d'en parler et de faire connaître ça aussi au grand public, parce que les gens, des fois, même les agriculteurs eux-mêmes, ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est bien, que ça sort un peu du lot, donc voilà. Alors justement, il y a donc une quantité de démarches assez nombreuses, mais on pourrait par exemple citer, je ne sais pas, par exemple, le simple fait d'être en agriculture raisonnée pour les agriculteurs, qui est déjà une démarche donc, qui entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, qui permet de limiter les apports d'intrants, l'utilisation d'eau et d'irrigation. Mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples un petit peu de toutes ces démarches que tu as rencontrées pendant ton année de césure et qui t'ont donné envie de faire du journalisme? Alors, donc c'est vrai qu'il existe plein de démarches, même si au niveau français, on a un peu une vision binaire, c'est-à-dire soit conventionnel, soit bio. Et alors qu'il y a vraiment toute une panoplie d'initiatives qui ne sont pas forcément reconnues avec un label, une appellation. Et donc moi, justement, lors de ce premier stage dans l'entreprise de journal, dans le journal où je suis actuellement, j'ai pu faire des reportages divers et variés. Et donc par exemple, voir un arboriculteur qui met des brebis sous ses arbres pour détruire justement les insectes ravageurs et détruire les fruits pourris pour éviter que ça contamine les autres. Voilà, c'est ça. Et on se dit, mais ça, il n'y a pas de label, quoi. C'est juste une expérience comme ça, quoi. Et en final, en France, pas besoin d'aller loin. Hein. Même à 1 heure de Paris, il y a ce genre d'initiative-là. Donc c'est vraiment, tant en élevage, même en grande culture, voilà. Près de chez moi, j'ai découvert qu'il y avait des agriculteurs qui s'étaient mobilisés pour créer une filière locale de soja pour leur élevage, au lieu de l'importer d'Amérique latine, d'importer du soja OGM. Ils se sont dit, nous, on a les terres pour produire ces... Et donc, moi, j'habitais à 15 km et je ne connaissais même pas cette initiative-là. Et les gens, de ma commune, ne les connaissent pas non plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais ça mérite d'en parler, quoi, parce que au final, c'est toute une chaîne. On fixe la valeur sur le territoire. Et au final, donc voilà, c'est bénéfique pour tout le monde, pour l'environnement, mais aussi pour les agriculteurs qui évitent de payer, d'être sur les cours mondiaux. Et voilà, ils peuvent produire eux-mêmes leur fourrage, etc. Alors, justement... C'est hyper intéressant, donc cette volonté de sortir un peu du manichéisme conventionnel bio dans lequel on nous installe un petit peu, hein, qui est aussi extrêmement, extrêmement agréable pour stigmatiser n'importe quelle des deux parties. Cette perspective, cette prospective un petit peu de tous ces mouvements-là, tu en rends compte encore aujourd'hui dans ton magazine dans lequel tu t'en occupes, ou est-ce que tu as un petit peu modifié ton allure et tu changes un petit peu, tu vas à la rencontre d'autres gens, ou tu continues de découvrir un petit peu des nouvelles alternatives encore aujourd'hui? L'objectif, c'est, moi je me dis, ça fait qu'un an que je suis journaliste dans ce secteur-là, et je ne dois même pas connaître un millième des initiatives, parce que chaque territoire a sa spécificité, donc est à même de créer un fonctionnement propre, parce que voilà, en Picardie, on n'aura pas les mêmes problématiques que dans le sud-ouest ou que dans la Drôme. Donc oui, et l'objectif, c'est de glaner toutes les initiatives et de pouvoir, nous, au final, dans un magazine, essayer d'en, si on peut en parler que même d'une dizaine, c'est déjà super. Je me dis que ça donnera peut-être des idées à d'autres en se disant, tiens, on a des territoires qui sont similaires avec ce département. Peut-être que nous, on pourrait essayer quelque chose un peu l'effet un peu tache d'huile, c'est-à-dire, hop, on lance une idée et puis l'idée, c'est qu'elle germe après, peut-être dans la tête d'autres personnes. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que on a écouté donc Emmanuela, ce qui nous disait... qui est extrêmement important de revenir sur une espèce de souveraineté un peu à la fois nationale mais même presque locale, donc sur l'agriculture, puisque c'est extrêmement important qu'on puisse gérer nous-mêmes ce qu'on produit pour ne plus être dépendant soit de l'agroéconomie soit du gouvernement même, et même encore pire de l'étranger quoi. Alors par rapport à ça, donc tu as vu pas mal d'alternatives qui vont dans ce sens, et il y a une démarche assez cohérente de la part de beaucoup d'agriculteurs par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'ils ont tous la même volonté. Est-ce que tu t'es interrogé là-dessus ? Est-ce que tu as rencontré des gens qui ont le point de vue complètement opposé à ça, c'est-à-dire qui vont beaucoup plus dans l'industriel et qui ne pensent que pour le coup que l'industrie peut être le moyen de sauver le monde ? Parce qu'on n'entend pas trop ce discours-là du coup ici. C'est sûr. Alors c'est sûr que moi je suis amenée à travailler avec à rencontrer des grands groupes. Plusieurs millions, centaines de millions de chiffres d'affaires par an, et qui sont implantés, même des groupes coopératifs, c'est-à-dire que les coopératives, à la base, c'est une structure avec des adhérents, donc c'est les agriculteurs qui gouvernent la structure, donc avec un président qui est agriculteur, etc. Mais ces gros groupes ont grandi, et c'est vrai que maintenant, il y en a, c'est des puissances vraiment industrielles. Et donc c'est vrai qu'on peut se dire, au final, ces structures-là, elles ont peut-être perdu la vision du terrain. Ils se disent, ils sont connectés, c'est vrai qu'ils sont connectés à l'industrie mondiale, ils exportent à travers le monde entier. Mais il y a quand même une démarche, ils savent que la base de leur métier, ça reste quand même les agriculteurs. Et même s'ils ont ces démarches-là d'aller à l'international, il y a quand même des démarches au final de valoriser les produits de leur terroir, et il y a quand même des formes de circuits courts avec des moulins les plus proches quand même des bassins de production avec ces structures-là, même si elles sont grandes. Je pense que l'objectif, c'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et qu'il y a de la place pour toutes les agricultures, du bio, du conventionnel, une forme industrielle, des formes très locales. Je pense que c'est la chance de l'agriculture française, c'est qu'on a on peut faire un panachage de systèmes, et au final, je pense qu'il peut y avoir un équilibre entre tout, même si l'important, c'est en fixant la valeur ajoutée des produits sur le territoire. C'est comme ça qu'en fait les agriculteurs s'en sortent mieux, quoi, en pouvant transformer les produits, etc. Si c'est eux qui gagnent la valeur ajoutée, c'est mieux. Oui, voilà. Justement, par rapport à ça, du coup, il y a quelque chose qui est conçu comme un manque de souveraineté de la part des agriculteurs sur leurs produits. Hein. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage. On entendait que justement il y a ce fait que dès que les agriculteurs ne sont plus maîtres de ce qu'ils vendent, dès qu'on dévalue énormément finalement la valeur des produits agricoles, on s'oriente vers une sous-estimation, une mésestimation de l'agriculture, et du coup c'est quelque chose qui peut admettre, qui admet beaucoup moins de considération de la part de l'ensemble des citoyens, quoi. Du coup, je sais pas toi si tu as eu des échos par rapport à ça, par rapport à là où tu es, si toi ton but c'est de changer un petit peu ces mentalités-là, ou est-ce que tu penses que tu peux y arriver avec ton travail, et quels espoirs tu as par rapport à ça, ça m'intéresse. C'est sûr que j'aimerais bien, en tant que journaliste dans un petit organe de presse, pouvoir faire changer l'agriculture et amener plus de revenus aux agriculteurs. Après, je pense que... l'agriculture, c'est un secteur qui marche sur des pas de temps très longs. Rien que changer une culture, un système dans son champ, ça prend au final presque un an, parce que le temps de semer, de récolter. Donc c'est vrai que l'agriculture est un peu un secteur où les choses vont lentement. Ça va au rythme de la nature, c'est un peu un rythme qu'on a un peu oublié. Et c'est ça. Donc c'est vrai que les changements sont lents, et là, la dynamique dans laquelle on a où la valeur des produits agricoles a baissé, c'est des choses qui se sont faites sur des dizaines d'années. Et c'est vrai que c'est un peu comme si on était dans une Ferrari à 180 sur l'autoroute. On ne peut pas tout de suite faire un demi-tour. Je pense qu'il faut essayer d'avoir décélérer, et après de prendre le virage un peu doucement. Et bah, c'est vrai que moi, ça me désole de voir que des agriculteurs peuvent pas, enfin que ils peuvent pas se dégager de salaire, quoi. Et cette année, il y a l'observatoire des prix de formation, l'observatoire de la formation des prix agricoles, qui justement a montré que sur l'année dernière, aucune filière n'a réussi à se dégager un salaire correct, en fait, avec juste leur production. Et c'est un peu désolant. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, voilà, c'est la solution, c'est peut-être voilà, fixer transformer les produits au maximum sur les territoires pour fixer la richesse. Et donc nous, c'est aussi un peu ces démarches-là qu'on essaye de montrer dans le magazine, c'est-à-dire que voilà, des agriculteurs qui vont produire leur propre fourrage pour leurs animaux, qui travaillent avec les abattoirs locaux, qui mettent en place des filières de viande de qualité, on en voit dans le Massif Central, etc. Et même qui sont portés par, justement, je disais tout à l'heure, des groupes coopératifs, des grands groupes qui font parfois plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires, mais qui mettent en place quand même ces filières sur le territoire. Voilà, je pense que c'est pas incompatible, et même justement, ça peut des structures qui peuvent aider à porter ça. Donc voilà, j'espère que d'accord. Je pourrais faire changer un peu. Eh bien, c'est hyper intéressant. On pourrait en parler pendant très longtemps, mais malheureusement, on n'a plus trop de temps. Ce qu'on va retenir principalement de ça, du coup, c'est que il faut conserver la dynamique de retrouver un petit peu la souveraineté qu'on a sur nos cultures et à l'échelle locale, essayer de retrouver un petit peu le pouvoir par rapport à ça, parce que c'est vrai que finalement, l'industrie a énormément centralisé les décisions, et donc du coup, ça a créé des soucis. Qu'on connaît maintenant avec des agriculteurs qui sont plus du tout responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils gagnent et qui sont un peu pris à la gorge, quoi. Donc on retiendra aussi que le dire non à un non franc au conventionnel n'est pas nécessairement la solution non plus. Je pense que en fait les systèmes vertueux comme l'agriculture bio, ça peut tirer. Moi j'espère que ça va tirer en fait le conventionnel vers le haut et pas justement tirer vers le bas, et qu'en fait on aura du conventionnel qui sera performant et qui n'aura plus rien à voir avec le conventionnel qu'il y a 10 ans, parce qu'on sera allé juste aux besoins des plantes. On pourra utiliser encore de la chimie dans les cas extrêmes, par exemple s'il y a une grosse crise sanitaire, mais voilà, je pense que eh ben, ça va aller dans ce sens. Merci beaucoup, Julia. On va enchaîner avec un petit reportage frigo pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le frigo d'un de nos chers confrères de la radio. J'ouvre la porte de mon frigo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Alors, il y a des yaourts. Il y a pas mal de yaourts, de la lemon curd et un tout petit reste de mousse au chocolat. Plein de cornichons différents, un peu de chocolat, des anchois, du tonic. Oui, il y a du tonic dans mon frigo. Des lardons, du jambon. Il y a quelques légumes au fond. Oui, alors voilà, il y a aubergine, concombre. Et fenouil, et puis il y a des jus, bon, jus de cerise, jus de myrtille, c'est chouette, un peu d'aloe vera, et des petits bouts de fromage, voilà, tout ce qu'il y a dans mon frigo. Voilà, vas-y. Who using the Skype for every day or every week? How many people here? Nobody? Okay, so it's more like, you know, where is Estonia? So, but we can't approach where I'm from, because I'm from European Union, but it's not a free country. I can't be free. I live before Italy. I live. Donc, Revo vient de l'Estonie, qui fait partie de l'Union européenne, mais qui n'est pas un pays libre. Yes, I can't be free. I can't be free. Estonia, like in Italy or France or Poland or Amsterdam or oh la la, I live lots of countries. everywhere. And so what I want to say that now we have described what we have. This Syrian people comes to everywhere. And Revo a visité beaucoup de pays en Europe et il y a la crise et partout l'Europe est touchée par la crise. Yes, and an Estonian government is very they are very negative energy for discussion. I want that French people can to take to protest that Estonian can to change something. That if French people say to Estonia, you must take more. It's not enough. 2 years and only 500 immigrants. That's not enough. It's absolutely it's not enough. Donc il voudrait que l'Europe incite l'Estonie j'ai compris qu'il voulait que la France accueille beaucoup plus de réfugiés qu'elle ne le fait actuellement, que ce n'est pas un nombre assez grand. Et il dit aussi qu'il voudrait que l'Europe incite l'Estonie à vraiment s'engager dans le débat des questions européennes. Last one. I want to last one. République. Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. Radio Debout, toujours en direct de la place de la République à Paris, et nous sommes en insert téléphonique avec Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Manon, tu travailles à l'INRA, au Centre National des Fruits et des Légumes. Et alors, première question, faut-il manger 5 fruits et légumes par jour avec les pesticides qu'il y a dedans? Qu'en penses-tu? C'est une bonne question. Les fruits et légumes, c'est important pour les vitamines, c'est évident. Mais aujourd'hui, les fruits sont très traités, les fruits qu'on achète, bien sûr, à part les fruits du jardin ou les fruits abandonnés. Par exemple, la pomme, qu'on retrouve toutes les pommes Golden dans les cantines qu'on donne aux enfants, est un des fruits les plus traités. Les vergers sont traités en moyenne 30 fois entre le mois d'avril et le mois de décembre. Donc, 30 traitements des insecticides et des fongicides en France. Et aujourd'hui, il y a très peu d'études, donc en fait, on ne sait pas les résidus qui restent sur les pommes qu'on mange. Bon, on sait qu'en les épluchant, on mange quand même moins de pesticides, mais on suppose quand même qu'on mange un sacré cocktail. Après, c'est très compliqué de savoir l'effet à long terme sur la santé. Ce qui est sûr, c'est que les vergers bio sont traités avec des pesticides beaucoup moins toxiques, qui sont issus de recherches, les produits aujourd'hui utilisés en agriculture biologique, en fait, on a commencé à chercher pour les inventer dans les années 70. Donc, c'est un processus très, très long pour parvenir à trouver des solutions alternatives aux insecticides très chimiques, très toxiques, qui sont des insecticides neurotoxiques. Mais aujourd'hui, à part le pommier du jardin de votre grand-père ou les pommiers abandonnés que vous trouvez par-ci, par-là, c'est vraiment compliqué d'avoir des fruits non traités, qui ne portent pas de résidus. Sans parler de l'impact pour l'environnement, parce qu'il y a l'impact de ce que vous mangez pour votre santé, mais aussi l'impact pour la zone, la région où les fruits ont été produits, qui tous les insectes, tous les habitants qui habitent aux alentours, qui se sont pris un cocktail d'insecticides, de fongicides pendant tout l'été. Donc, Du coup, est-ce que c'est facile de passer un verger en bio ou pas? Comment ça fonctionne? Il y a bio et bio, en fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions techniques qui substituent les produits chimiques, notamment des filets. Par exemple, les gens peuvent couvrir leur verger de filets. Et ça permet d'éviter pas mal de traitements. C'est possible. Il y a même des producteurs qui ont certains vergers conventionnels et certains vergers bio. Après, un vrai bon verger bio, là, c'est vraiment une démarche de long terme où il faut apporter de la biodiversité, vraiment cultiver plusieurs espèces, réfléchir vraiment à tout ce qu'on fait et peut-être même être dans une région où il n'y a pas trop de pommes, trop de fruits de la même espèce, parce que plus il y en a, plus il y a de ravageurs et plus c'est compliqué de lutter contre. Mais c'est faisable, et par contre c'est sûr qu'il y a moins de rendement en bio, donc faut vendre des fruits plus chers parce qu'on produit moins qu'en conventionnel. Et toi Manon, c'est quoi ton utopie, si je puis dire? C'est peut-être un grand mot, mais ton travail de recherche, tu souhaiterais que ça aboutisse à quoi? Alors moi, mon travail de recherche, c'est sur les araignées qui mangent les ravageurs. Donc en fait, je regarde les araignées naturellement présentes dans les vergers, je regarde si elles mangent les pucerons, le ver des pommes, voir quel est leur impact et comment on peut les favoriser. Après, je pense bien que c'est pas la solution, enfin c'est pas l'unique solution. La lutte biologique, ce qu'on appelle par conservation, donc en favorisant la nature finalement dans le meilleur sens, c'est pas la seule solution. Je pense qu'il faudra il faudra un système de commercialisation différent, des gens qui acceptent des pommes un peu pourries, des pommes véreuses, des pommes pas jolies, et surtout cultiver de la biodiversité et avoir un maillage. Aujourd'hui, il y a des gros bassins de production de fruits dans plusieurs régions en France, et en fait la solution, ce serait qu'il y en ait partout, que ce soit beaucoup plus homogène pour que un consommateur ait des fruits à côté de chez lui, et que en plus du coup ça soit plus dilué et qu'il y ait moins de soucis de ravageurs. Donc et comment on fait ça? Du coup, comment est-ce qu'on des arbres fruitiers? Ah ouais, voilà, ouais. À Nantes, ils ont commencé. Alors après, je sais pas si ça pousse, mais ça pourrait être une solution, déjà avoir des fruits plus à portée de main, quoi. Eh ben, on espère que ça va marcher. On espère qu'il y aura des fruits à portée de main. Merci beaucoup Manon d'être passée sur Radio Debout. Il y a plein de choses à dire. Je ne sais pas où tu es exactement. Je suis à Avignon, un des grands bassins de production. Eh ben super. Eh ben plein de bonnes choses pour la suite Manon. Et puis vive le sud et le soleil. Et à très vite. Merci bien. Bonne lutte. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et là, on passe tout de suite à une page de publicité. La philosophie est une menace qui nous concerne. Vous écoutez. Il peut vous arriver de reconnaître un philosophe dans la foule sans en avoir l'incertitude. Le philosophomètre quantique des laboratoires Osaspin permet d'identifier de manière certaine tout philosophe présent dans un rayon de 250 mètres. Wow! Gagnez de précieuses minutes en reconduisant l'important hors du lieu de rassemblement avant qu'il ne prenne la parole. Yeah! Philosophomètre Osaspin, la philosophie, c'est vraiment fini. Commandez en ligne et bénéficiez de 20% de remise avec le code gnagnagna. Gnagnagnagna, pauvre code. Fromage, voilà. Avec le eye tracking. Je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas qui est le suivant. Sinon, je suis contente qu'on ait le droit de voter. Hein. C'est quand même pas mal, c'est quand même récent. Qu'on ait le droit de parole, qu'on ne se fasse pas trop chier à être coupé tout le temps. J'ai le micro, je suis contente, quoi. Mais je vais essayer de vous parler de trucs quand même plus intéressants. Donc, je quitte pas. Donc, je voulais rentrer avec mon fauteuil par la même porte que tout le monde et pouvoir avoir mon centre spécialisé et mon école à côté et pas être le monstre du quartier. Parce que c'est pas juste, on peut venir de l'autre bout du monde, mais on est aussi ici avec des emmerdes et on les gère tous les jours. Et on se prend plein la gueule tous les jours, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de rentrer aux mêmes endroits, on peut même pas accéder aux endroits publics, et on s'en fout. Enfin, tant qu'on n'est pas, on s'est pas pris un bon accident, c'est pas grave. Donc je sais pas si je suis dans le thème parce que je passe par là, et voilà. Mais politiquement, c'est vrai que en tant qu'architecte, je trouve ça bien qu'il y ait des beaux bâtiments, je trouve ça super qu'il y ait des sites de la musique, toutes ces choses-là. Mais bon, ça coûte très cher et c'est très bien parce que c'est important, le symbolique. Mais le symbolique, ça serait qu'on ait le droit de... Bah, tout simplement, ça coûte pas si cher d'aménager ce métro, que les gens de la RATP qui ont l'air d'être là aient le droit de nous conduire aussi. Voilà, qu'on ait le droit de... Ouais, ouais, ouais. Voilà, ils sont sympathiques, on les aime bien. Et j'espère, ouais. T'as pas le choix, de toute façon, t'as pas le choix. J'ai pas le choix. En plus, quand ils sont en grève, je m'en fous, moi, je suis en vélo. Mais quand je suis autrement qu'en force. Vélo... C'est ça la force, justement. Non, eh ben oui. Non, attends ton tour, c'est ton tour après. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Arnaud? Moi, je veux bien lui... Je sais pas de quoi il voulait parler, mais il va le dire tout à l'heure. Donc voilà. Bah, c'était tout, sinon... Je peux parler du handicap longtemps, je le vis. Enfin, je le... C'est presque fini le handicap. C'était les 3%, les 1% de handicap. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais je blague. Je s'appelle. Ah ouais. Mais moi aussi, c'était même du 6e. Je passe le micro à Arnaud. Non. Bonsoir, toujours en direct de la place de la République à Paris, 80 mars 2016, 80 mars, et là nous allons parler des abeilles. Je suis avec Laurent, bonsoir Laurent. Salut, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Bah ouais, je suis content de revenir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à Radio Debout, Laurent. Bah, place de la République surtout. Et alors, voilà. Oui, et on vient d'apprendre que tu es apiculteur aussi. Non, c'est le garçon qui est à côté de moi qui est apiculteur. Ah et bah, qui... tout le monde est apiculteur. Et qui vient à Radio Debout. Salut Sam. Bonsoir. Et oui, effectivement, apiculteur, plutôt amateur, pas professionnel. Mais ouais. Bonsoir à tout le monde. Et alors, comment ça marche? Comment ça marche quoi? Bah, les abeilles, l'apiculture, tout ça. Ça vole. Alors déjà, ouais, il y a pas mal d'individus dans une ruche. Hein, et ils volent. Ça vole. Faut savoir que... Il y a une reine et un essaim, et la reine ne peut pas vivre sans l'essaim, et l'essaim ne peut pas vivre sans la reine. Ça, c'est une symbiose. La reine est la seule qui pond, et qui donc va fournir la ruche en abeilles. Et une abeille, l'été, ça vient environ un mois, donc de la naissance jusqu'à le dernier souffle qu'elle Ça dure combien de temps, une abeille? Un mois? Une reine? Oui, non, la reine, elle dure jusqu'à 5 ans. Enfin, ah ouais. elle peut vivre jusqu'à 5 ans, mais suivant l'apiculture que tu fais, tu changes les reines. Donc c'est un joli mot pour dire tu les tues et tu mets des plus jeunes. Oui, parce que je suis un apiculteur végétalien, ça il faut le savoir. Donc je ne mange pas mon miel, mais je m'occupe des abeilles. Et comment ça marche? Le printemps venu, en fait, on a le corps de la ruche qui permet donc la survie des essaims pendant... Oula, ça crie un petit peu à l'Assemblée, donc excusez-moi, ça m'a fait bizarre. Donc oui, la ruche donc, a un corps, le corps de la ruche permet, est la base, on va dire, des essaims pour qu'ils passent l'hiver. Et une fois que le printemps arrive, on va mettre des hausses, donc en général, c'est la moitié d'un corps qu'on met au-dessus. Et on met des cadres qui permettent aux abeilles de stocker le miel. Quand c'est dans les hausses, dans les corps de ruche, là, ça va être le couvain, plus du miel, plus le pollen, qui est la nourriture en fait aussi des larves et des abeilles. Sam, dis-moi. Où est-ce qu'elles habitent, tes abeilles? Mes abeilles habitent dans le Gers. Elles habitent dans le Gers, c'est-à-dire qu'elles habitent à la campagne. Elles habitent à la campagne et ça va, c'est là où on est, il n'y a pas trop de pesticides, j'ai pas trop de pertes par rapport à ça, mais ça reste compliqué. Là, cette année, j'ai eu une ruche qui est morte l'hiver, donc ça va, mais l'année d'avant, j'en ai eu 10 sur 12. Et ça, ça fait mal au cœur. Alors là, on parle d'un syndrome qui a chez les abeilles domestiques, qui est un syndrome qu'on appelle le syndrome de surmortalité, qui touche surtout les abeilles justement qui sont dans les campagnes, dans les régions de grande culture. Mais toi qui vis à Paris, paradoxalement, qu'est-ce que tu penses de l'apiculture urbaine? Est-ce que pour toi c'est un hobby, c'est une mode, ou tu penses que ces animaux et cette pratique a sa place partout? Et finalement, est-ce que cette frontière entre les villes et les campagnes, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop artificielle? Oh mais bien sûr qu'elle est artificielle cette frontière, et bien sûr que l'apiculture a sa place partout. D'ailleurs c'est pour ça que ça marche aussi bien à Paris, c'est que les abeilles s'y plaisent, elles résistent beaucoup mieux à la pollution qu'aux pesticides. Et il suffit d'aller voir au jardin du Luxembourg, il y a un rucher, on peut voir les ruches de loin, elles sont très, très jolies, j'ai pas le mot... pour la forme, avec des toits, elles sont esthétiques, voilà, esthétiques. Merci Clémence. Voilà. C'est sûr que l'apiculture est possible partout. Et moi, j'ai un ami qui fait ça sur Toulouse, sur les toits de Toulouse, parce que lui, il est obligé de vivre à la ville. Moi, je suis pas obligé, je peux rentrer voir mes abeilles quand je veux, mais c'est vrai que ça, au bout d'un moment ça manque, et lui il a installé sur son toit à Toulouse des abeilles. Je voudrais te poser une question, Sam. On parle beaucoup de la responsabilité du monde agricole par rapport à la disparition des abeilles, leur fragilisation. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que les apiculteurs, eux aussi, ont une forme de responsabilité, et que ces animaux, parfois, sont traités comme on traite aussi les poulets en batterie ou les vaches dans les grandes fermes? Est-ce que les abeilles aussi n'auraient pas le droit à une forme de reconnaissance éthique? On sait que la plupart des apiculteurs aiment leurs abeilles. On sait aussi qu'il y a beaucoup de productivisme dans l'apiculture professionnelle. Oui, alors bon, moi je suis pas professionnel du tout, mais comme j'ai dit plus tôt, je suis végétalien, et c'est vrai que moi je suis pour le respect au moins de l'animal. Je suis pas antispéciste dans le sens où je pense qu'on peut utiliser et élever les animaux dans un certain respect et sans les faire souffrir inutilement. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai vu des reportages sur les abeilles, notamment aux États-Unis, où une reine qui d'habitude peut vivre entre 3 et 5 ans, une reine aux États-Unis, elle fait une année, parce qu'elle commence en février en Californie dans les champs d'amandiers, et elles font la transhumance, donc ils déplacent les ruches, et souvent c'est même pas, ils s'attendent pas la nuit, ils s'en foutent, ils partent comme ça, donc il y a de la perte au niveau des abeilles, et ils font les pommiers, ils font des milliers de kilomètres, et la reine, elle travaille, au lieu de travailler entre 5 et 6 mois, elle travaille 11 mois, et à la fin de l'année, elle est exténuée, et ils n'ont pas de sentiment, ils prennent la reine, ils la tuent, et ils changent la reine, et puis c'est parti. Dis-moi Sam, la reine, elle a une couronne, c'est elle qui commande, ou c'est une manière de parler? C'est une manière de parler, mais c'est un peu elle qui commande, mais la reine sans son essaim, elle ne fait rien. C'est un peu comme les oligarques avec nous, c'est sans les travailleurs, les oligarques, ils font rien. Non, en fait, la reine, c'est une façon de parler, parce qu'elle a, c'est elle qui va gérer le couvain, c'est elle qui va gérer la survie avec le nombre d'individus. Maintenant, c'est une façon de parler, puisqu'elle n'a pas de couronne. Elle a des phéromones qui castrent chimiquement les autres pour pas qu'elle développe des ovaires. D'ailleurs, comme elles ne sont pas fécondées, ça s'appelle les ruches bourdonneuses. Quand la reine part, quand elle est morte, plusieurs ouvrières vont développer des ovaires, mais comme elles n'ont pas été fécondées, elles vont faire que des mâles. Et là, ça, on rentre dans la génétique, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais elles vont faire que des mâles, et à terme, la ruche, elle va mourir, puisque les mâles, ils ne peuvent pas récolter le miel. C'est plus compliqué, la vie des mâles. Et donc, la reine, c'est juste qu'elle a un abdomen deux fois plus grand qu'une abeille. Et moi, j'ai une question. Quand on est végétalien, qu'on fait du miel, pourquoi on fait du miel quand on est végétalien, si on ne peut pas le goûter? Alors ça fait 7 ans que je fais de l'apiculture, ça fait qu'un an que je suis végétalien, donc c'est par passion. Moi c'est ma passion, l'apiculture. Je ne suis pas antispéciste, je ne suis pas vegan au sens français du terme, c'est-à-dire pas de cuir, pas d'exploitation d'animaux, pas d'équitation, etc. Mais non, j'en suis pas à ce point-là, c'est-à-dire que si tout le monde était déjà végétalien comme moi, alors là, je pourrais me poser la question, mais pour l'instant, non. Mon combat, c'est déjà de faire prendre conscience aux gens que, ouais, on est dans un monde où on a le choix. On a le choix entre une vie où on exploite les animaux, on les fait souffrir, on les tue, et une vie où on est en parfaite santé sans manger de produits animaux, ni de sous-produits animaux. et en respectant les animaux. Donc c'est juste un choix à faire. Et quand j'ai eu un gros débat hier soir là-dessus sur un choix contraignant. C'est un choix contraignant parce que la société aujourd'hui est contraignante. Et la jeune fille me disait oui, mais tu vois, un choix, ça doit être la liberté. Et je dis ouais, mais la liberté, ça se gagne. La liberté, c'est toujours un combat. La preuve avec Nuit Debout, la preuve moi avec le végétalisme, c'est tout le temps un combat. Et alors, j'ai mes potes dans le sud, quand je leur ai dit que je passais végétalien, ils m'ont bien vanné. Ils me vannent toujours. Mais voilà, ça, je suis en accord avec mes principes et je continue. Oui, et alors du coup, la question aussi que je me pose, pardon, on me montre des petits papiers avec des mots dessus. Et c'est comme ça, Radio Debout, tout est au débeauté. Voilà, je me demandais du coup, végétalien ok, les ruches ok, tu fais des allers-retours assez régulièrement, tu es assez présent aussi sur le mouvement Nuit Debout ici sur la place de la République. Et est-ce que on peut faire peut-être un rapprochement un peu facile entre une ruche et en fait le mouvement de Nuit Debout? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Moi, je vois ça. C'est la métaphore que j'aime bien dire, enfin me dire en tout cas. Où est la reine alors? La reine, on n'a pas forcément besoin de reine. Chacun est sa propre reine sur Nuit Debout. Mais c'est un lieu comme une ruche où on y revient parce qu'on est allé chercher des informations, on est allé chercher des fois du repos. Mais on revient sur la place et on fait vivre ce mouvement depuis déjà plus d'un mois et demi. Et ouais, non, c'est l'allusion avec une ruche est très bien en fait. Alors justement, pour filer la métaphore des abeilles et de la société, on sait que les abeilles... elles ont un phénomène qu'on appelle l'essaimage. Ça veut dire qu'une ruche, à un moment, se sépare en deux et une partie de la colonie va vivre ailleurs, va développer une autre ruche. Est-ce que Nuit Debout, cette ruche qui est là, Place de la République, est-ce qu'il ne serait pas temps d'essaimer à un moment, d'aller ailleurs? Ou est-ce que Nuit Debout, de ton point de vue, essaime? Est-ce qu'elle fait des petits ailleurs? Pour moi, ça a essaimé partout, quasiment dès la première soirée. Ça a essaimé à Toulouse, ça a essaimé à Nantes, à Lisbonne, au Brésil, partout ça a essaimé. Maintenant, oui, c'est sûr que l'essaimage, c'est une fièvre l'essaimage. Donc ça part très vite partout, maintenant il faut que ça tienne. La difficulté de l'essaim, c'est qu'il faut qu'il tienne. Donc soit il trouve un tronc d'arbre creux, soit il trouve un apiculteur qui lui donne un 3 étoiles, c'est-à-dire une ruche. Trois étoiles, oui. Les abeilles, dès que tu leur mets la ruche à côté, elles savent ce que c'est, elles y vont. Et il y a des vidéos que sur Internet, vous cherchez sur YouTube, il n'y a pas de problème. Les abeilles, dès qu'elles sentent que c'est une ruche, elles rentrent à la queue leu-leu, il n'y a pas de problème. Elles prennent place aussi. Elles prennent place, un petit peu comme finalement ces gens ici depuis le début de Nuit Debout qui prennent place et qui viennent, qui partent. C'est assez beau quoi en fait cette métaphore finalement. Oui, et puis j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que les abeilles font un travail énorme. C'est-à-dire près d'un tiers de la nourriture qu'on consomme, c'est directement dépendant de la pollinisation. Et elles ne sont pas payées pour ça. Non, et Nuit Debout, on n'est pas payé pour ça non plus. Donc c'est le parallèle est encore très fort. Quoi. Merci Sam pour tes propos apicoles et tes propos sensés. Maintenant, on va envoyer un sujet sur les poubelles. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ? On regarde une plaquette de beurre bien entamée, un pot de cornichons qui doit être là depuis une éternité, un fond de pesto qui est aussi là depuis une éternité, trois pots de confiture qui vont et viennent, un saucisson pour l'apéritif qui n'aura jamais été terminé et qui à mon avis serait bon de jeter, un pot de rillettes vide me semble-t-il, de la charcuterie italienne périmée, que je vais jeter d'ailleurs. Un deuxième pot de rillettes, presque vide, je dirais. Un paquet de café, toujours à disposition. Du citron et de la mayonnaise. Sans oublier du chocolat. Ça, c'est le réfrigérateur d'un mec de 30 ans. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Debout et apparemment les le contenu des frigidaires des mecs de 30 ans peuvent tous aller à la poubelle, ce qui n'est pas forcément bien. Alors on est en ligne avec Sophie. Coucou Sophie, tu m'entends ? Ouais, salut. Salut, nous aussi on t'entend. Je crois que tu es à Poitiers, c'est ça ? Angers. À Angers. Enfin, je confonds toujours. Et toi, tu travailles sur le gâchis alimentaire à l'ADEME, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, du coup, l'ADEME, vite fait, c'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est un organisme qui reçoit des sous du ministère de l'Écologie pour aider l'ensemble des acteurs économiques à être plus écolo, en gros. Et du coup, sur le gaspillage alimentaire en particulier, ce qu'on fait, il y a trois piliers un peu à ce qu'on fait. Donc c'est d'abord côté connaissance, faire des études pour savoir qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire en France et aussi sectoriellement, depuis la production agricole jusqu'à la consommation. Ensuite, il y a un autre volet, c'est la communication. Du coup, on fait des actions de com ou des interventions avec différents acteurs pour en parler, quoi. Et puis, voilà, en discuter avec les gens et faire monter un peu la prise de conscience là-dessus. Et puis, un troisième pilier, c'est distribuer des subventions, en fait, réfléchir à des dispositifs d'aide, de distribution d'argent public pour qu'ils soient incitatifs pour que les gens s'engagent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et qu'en même temps, ce soit des démarches qui ne soient pas complètement dépendantes de ça et qui se pérennisent au-delà des subventions après. Et alors, pour en revenir au premier pilier, justement, ce qui est l'analyse, il se situe où ? C'est quoi le plus gros pôle de gâchis alimentaire en France ? C'est les particuliers, c'est les entreprises ou les agriculteurs ? Ah oui, alors c'est marrant qu'on demande souvent ça. En fait, justement, on est en train de finaliser une étude qui va sortir la semaine prochaine sur l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France. En exclusivité sur Radio Debout. Et qui précise tout ça. Voilà, alors du coup, je peux pas trop lancer le chiffre précis, sinon je vais me faire tuer. Mais en gros, l'idée, c'est que... Donc, en fait, on parle déjà de gaspillage alimentaire en global. Ouais. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas un acteur. Enfin, après, il y a des responsabilités qui sont partagées sur toute la chaîne alimentaire. Donc, effectivement, les plus grosses contributions, ça va être aux deux bouts de la chaîne, côté consommation finale et aussi côté production agricole, parce que c'est des secteurs où il y a beaucoup d'acteurs et donc, du coup, de manière mécanique, quoi, en additionnant, même si c'est pas beaucoup par site, ça va faire beaucoup au final. Mais du coup, surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas... Enfin, par exemple, la production agricole ou les consommateurs, chacun produit du gaspillage agricole sur son site. C'est aussi le cas de la restauration collective, de l'industrie agroalimentaire et de la distribution, quoi, des grands magasins. Mais une autre dimension, c'est que chacun contribue aux pertes et gaspillages qui sont générés ailleurs. Par exemple, un grand magasin ou un industriel agroalimentaire qui va donner un cahier des charges à son fournisseur agricole, eh ben, il va exclure une grande partie de la production parce qu'il va dire on veut tel calibre et tel critère esthétique sur les produits. Et donc, il crée du gâchis alimentaire. Ouais, c'est ça. Et je sais que... Sinon, en tout cas, juste pour continuer à répondre à ta question, on dit qu'en gros, les proportions, c'est de l'ordre de 30% du gaspillage total qui est fait au niveau de la consommation finale, donc consommateur à domicile plus restauration. 30%, c'est la production agricole. Et puis après, c'est à peu près 10% qui se répartissent entre industrie agroalimentaire et puis 10-20% industrie agroalimentaire, 10-20% grande distribution. Et alors, je sais que justement sur le deuxième volet, sur le troisième plutôt, action, etc. Et je sais qu'il y a une loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça, justement pour essayer de restreindre le gâchis alimentaire. Elle consistait, enfin, c'était quoi le cœur de cette loi ? Alors, cette loi, donc elle a plusieurs mesures, mais c'est vrai que donc c'est celle du 11 février 2016, là. Et elle reprend en fait des mesures qui avaient été proposées fin août 2015 dans la loi de transition énergétique, mais qui avaient été mal proposées en termes de procédure législative et du coup rejetées. Et donc là, les mesures phares, enfin, dont on parle le plus, c'est que les grandes surfaces ont l'interdiction de détruire des invendus comestibles, donc de javeliser les produits, là, comme on parle souvent. Donc là, maintenant, c'est interdit de faire ça. Elles ont également l'obligation, enfin, elles ont un an pour passer une convention de dons alimentaires avec des associations d'aide alimentaire. Voilà. Et puis également, une troisième petit corollaire, c'est qu'elles n'ont pas le droit de s'opposer aux dons de produits de marques distributeurs. Alors que pour l'instant, quand des industriels fabriquent plein de produits, notamment de marques distributeurs, ben, les marques, genre Carrefour, s'opposaient souvent aux dons pour pas nuire à leur image. Et ben, maintenant, elles n'ont plus le droit de s'opposer à ça. Donc ça veut dire que si on est une association et qu'on se présente à un supermarché en demandant les invendus, ils sont obligés de nous les donner? Ben alors, c'est plus, ça peut être plus nuancé, parce que s'ils ont plusieurs associations concurrentes, enfin, il y a aussi des questions de prise en charge de la logistique, parce que les magasins ne sont pas toujours très... Enfin, tu vois, suivant les moyens que l'asso peut mettre pour aller récupérer les denrées, ça va être plus ou moins pratique pour le magasin, parce que voilà, ça c'est un truc qui peut entrer en jeu. Mais autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de don, mais c'est quand même un don relatif, puisqu'ils ont le droit, les magasins, de défiscaliser 60% de la valeur des produits qu'ils donnent. Ah, donc c'est pas souvent don, mais en fait ils sont quand même payés par de l'argent public pour faire ça. D'accord, pour voilà, donc c'est Ouais, donc au final ils sont pas perdants. Non, donc, non, c'est même intéressant quoi. D'accord. Alors, on va devoir s'arrêter là. C'était super intéressant. Moi, j'aurais bien aimé continuer. Mais on va. Mais en tout cas, est-ce que pour se renseigner sur le gâchis alimentaire, le site de l'ADEME ou il y a d'autres endroits sur Internet ou... Bah, je dirais le site de l'ADEME. En termes de prise de conscience, il y a Tristram Stuart qui est super. C'est un mec anglais qui est le fondateur du Banquet des 5000 là. D'accord. Et il a fait des TED Talks qui sont bien où il parle de ça. En termes de voilà d'attitude et de prise de conscience. Et après, pour ce qui est plus chiffres, études et tout, bah, le site de l'ADEME, voilà, il y a plein de choses. C'est bon, là, ça marche. Alors, voilà, bah oui, du coup, on a repris l'antenne d'urgence parce que visiblement, on n'a plus de... On n'a plus d'électricité sur la place, il y a une coupure qui est en train d'être rétablie a priori, mais du coup on a quelques temps pour pour en discuter. Donc je vais du coup vous présenter le documentaire qui va venir. Je vais vous présenter le documentaire qui va venir dans quelques instants. Du coup, la suite de la soirée, ça sera comment est-ce que des fermes en agriculture biologique font pour passer en bio justement et quel problème ça leur pose dans cette transition par rapport au problème générationnel et humain. Ensuite on aura, du coup il faudrait simplement que je retrouve le programme, voilà il est là. Ensuite on aura les bergers urbains qui vont venir nous parler de leurs activités, et on va refaire le plateau du coup qui vont venir nous parler. Qui est-ce qui prend le plateau? Allez, Laurent. Salut. Donc, c'est Laurent à l'antenne. Je suis avec Julie, avec Pauline et Valentin, qui sont de l'association Les Bergers Urbains. Et donc, comme vous l'entendez, ils sont bergers et visiblement, ça se passe en zone urbaine. Donc, vous l'avez compris, le groupe électrogène vient de sauter. Donc, on est sur un smartphone qui continue à émettre. Radio Debout émet, debout, mobile. Et bah, je vais poser la question d'abord à Julie, qui est à côté de moi. Julie, voilà Julie, tu m'entends? Tu peux enlever ton casque, hein, parce qu'il n'y a pas de retour dans ton casque. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, ce que vous faites? Oula, c'est compliqué de t'expliquer en un mot. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a monté une association d'agriculture urbaine à Saint-Denis, parce qu'on habitait à Saint-Denis. Et on a commencé avec 8 moutons. Et puis, on nous a ouvert les portes. Et finalement, on s'est retrouvés dans une entreprise de chauffage urbain. Et il n'y avait pas assez à manger dans l'entreprise. Et du coup, naturellement, on s'est mis à pâturer tout autour, dans le quartier. On était du côté du quartier des Framboisins. Et on avait trouvé une ressource alimentaire absolument incroyable pour les moutons. On va reprendre l'antenne avec le micro. Allô, Radio Debout, nous revoilà. Donc, je suis avec Julie qui nous expliquait ce que sont les bergers urbains. Il y a Julie, Pauline et Valentin, l'association Les Bergers Urbains. Et tu étais en train de nous dire comment ça s'est déroulé au début. Alors, on t'écoute. Je recommence? Non, tu continues. Alors, en fait, donc je disais qu'on avait retrouvé une ressource alimentaire pour les moutons tout autour de l'entreprise, et qu'on pâturait dans le... Excusez-moi, il y a le chien Phébus là qui s'énerve. Pauline, tu peux prendre le relais, s'il te plaît? Allez, on va parler à Pauline. Bon, je remplace Julie parce qu'elle a ramené notre chien de berger qui est un peu turbulent. Il est habitué à la ville, pourtant comme nos brebis qu'on élève donc en Seine-Saint-Denis. Ça fait 4 ans maintenant qu'on a créé cette association. Et en fait, notre but, c'est de promouvoir l'agriculture urbaine. Alors l'agriculture urbaine, c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Nous, on s'attache à faire une agriculture urbaine productive. C'est-à-dire qu'on produit, on produit de la viande, on produit des légumes, des œufs et aussi des matières organiques qui nous servent à fertiliser les sols urbains qui en ont cruellement besoin. Donc c'est, voilà, c'est pour promouvoir cette nouvelle vision des choses. Enfin, je dis nouvelle, mais en fait, c'est pas vraiment nouveau. C'est un système traditionnel qui existe depuis la nuit des temps. Mais par contre, c'est forcément hybride de le faire en ville. Donc voilà, c'est un peu un projet un peu fou sur le papier, mais en fait, on y arrive très bien. Mais alors, pour être concret, vous avez des moutons et vous les emmenez pâturer en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est ça. En fait, on a plusieurs terrains qui sont mis à notre disposition par des collectivités territoriales ou des entreprises qui ont en fait beaucoup d'espace, beaucoup ce qu'on appelle les espaces verts, qui sont en fait des pelouses qui peuvent être très intéressantes pour nourrir les moutons. Et donc, on a des bergeries sur ces terrains quand ils sont suffisamment sécurisés parce qu'il ne faut pas se faire voler les bêtes la nuit. Et puis, on les emmène pâturer un peu à droite, à gauche, notamment Seine-Saint-Denis et autour de Saint-Denis, qui est notre fief. Se faire voler les bêtes parce qu'il y a, des prédateurs, des grands prédateurs Des grands prédateurs, des grands gourmands. On comprend, nos bêtes, elles sont très appétissantes. C'est des races rustiques qui sont avec des bonnes caractéristiques bouchères. Donc voilà, le but, c'est de faire envie aux gens, mais pas d'aller jusqu'au vol, de pouvoir vendre les merguez nous-mêmes avant. Donc vous êtes les bergers urbains, ça c'est le nom de votre collectif. Et tout ça est géré par une association qui s'appelle Clinamen, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Vous êtes combien à exercer cette activité ? Est-ce que vous êtes berger professionnel ? Vous êtes formé ? Vous êtes autodidacte ? En fait, on est un collectif. D'ailleurs, je vais passer la parole à Valentin. Comme ça, tout le monde pourra un peu parler de notre asso. Salut Valentin. Alors, bonsoir. Pour bien faire la part des choses, il y a Clinamen qui est une association et Bergers Urbains qui est une coopérative. Et les deux fonctionnent ensemble en synergie. On est dans Clinamen, là aujourd'hui on est 7 je crois membres actifs du bureau, et après il y a tout un tas de bénévoles qui viennent nous filer des coups de main occasionnels ou alors plus réguliers. Et Bergers Urbains, c'est une coopérative dans laquelle on est 5, et là on propose des prestations autour de ce qu'on développe dans Clinamen. Clinamen, c'est un peu le laboratoire de recherche où on teste tout, on essaye d'avoir le moins de contraintes possibles dans nos actions, et les bergers urbains nous permettent après de proposer des prestations qui sont testées et éprouvées. Hop, je m'assois, même si c'est nuit debout. Qu'est-ce que t'appelles des prestations ? Parce que on comprend pas bien ce vocabulaire à nuit debout. C'est quoi concrètement ? Et parce qu'il faut bien qu'on bouffe. Alors nous on travaille avec bergers urbains. Clinamen, on fait énormément de bénévolat en fait, ça fait 5 ans, enfin 4 ans et demi qu'on fait un bénévolat sans compter nos heures, parce que finalement on fait de l'agriculture en bénévolat, ce qui est un peu une folie selon moi, mais donc on passe beaucoup de temps sur l'élevage, l'agriculture, les cultures vivrières. Et avec les bergers urbains, par exemple, pour donner un exemple concret, là cette année on a formé des jardiniers du Val-Maubuée à gérer un troupeau pour entretenir leurs espaces verts. Donc ils ont énormément de parcs, énormément de terrains. Et c'est une démarche, le chef des espaces verts qui nous a appelés avait cette idée en tête depuis un bon moment. Et donc là, on l'a concrétisé avec lui en amenant des animaux qu'on a été chercher à droite à gauche en France. Et donc aujourd'hui, les jardiniers de la communauté d'Aglo sont formés à conduire le troupeau. On les a amenés à domestiquer leurs animaux pour pouvoir travailler plus facilement avec eux. Donc on est vraiment dans une démarche de travail et on souhaite le faire comme on l'entend. Julie, tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Formidable. Dis-moi, c'est quoi ton expérience à toi quand vous emmenez votre troupeau, vos bêtes dans ces zones vertes, ces friches, parfois pas loin des immeubles, des zones d'habitation. Qu'est-ce que ça apporte aux gens, aux habitants, aux citoyens de ces communes et de ces quartiers, de voir des animaux qu'on a plutôt tendance à on pense qu'ils voilà, ils vivent plutôt en campagne ou dans les alpages. C'est quoi le retour des habitants? Qu'est-ce que ça leur fait de ton point de vue? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça ouvre à une prise de conscience à la fois sur l'alimentation, sur l'écologie? Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai eu plusieurs vies. J'ai travaillé dans différents milieux, dans le BTP, l'architecture, tout ça. J'ai été aussi dans la participation des habitants à la construction de la ville. Et en fait, je crois que se promener avec un troupeau de moutons, c'est le plus grand plaisir de toute ma vie. J'ai jamais marché dans une ville où d'habitude les gens sont anonymes, ils passent à côté de toi, ils te voient pas, etc. Et là, mais il n'y a pas une personne qui gueule. C'est tout de suite des grands sourires partout, les enfants qui t'as les yeux qui brillent, c'est impressionnant, les vieux te parlent, les gens, les mamans viennent te voir, etc. À un moment donné, on a été en résidence à la condition publique à Roubaix. Et les gens avaient pris l'habitude pendant un mois de nous voir passer tous les jours devant leur fenêtre. Et il y avait même des gens qui étaient au rez-de-chaussée, qui avaient préparé à l'avance le café, les gâteaux. Et donc on faisait une pause devant chez eux et on buvait le café avec eux, etc. C'est un accueil vraiment hyper positif. Après, est-ce qu'on a le temps de discuter de nutrition avec eux? Non. Radio Debout, nous revoilà à nouveau sur un engin électronique mobile de marque anonyme. Et on est avec les bergers urbains. On était avec Julie qui nous parlait justement du plaisir qu'elle a, le plaisir qu'elle a de se promener en ville avec un troupeau de moutons et des réactions des habitants. Et maintenant, j'ai Pauline à côté de moi. Et Pauline, je voudrais te demander, vous produisez de la viande, peut-être du lait, des agneaux en Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce que vous les mettez dans des camions pour les envoyer à l'autre bout de l'Europe, ou est-ce que vous les vendez justement aux gens là où vous travaillez? Les circuits courts, ça vous dit quelque chose? Mais je crois qu'aujourd'hui, les circuits courts, ça dit quelque chose à beaucoup de monde. On en parle beaucoup, il faut les mettre en place. Nous, c'est ce qu'on s'attelle à faire, évidemment. Évidemment, parce qu'en fait, on est en ville. Ça veut dire qu'on est sous les yeux des consommateurs, directement. Donc déjà, dans nos pratiques d'élevage, on se doit d'être exemplaires. Et dans nos pratiques derrière de diffusion de nos productions, eh ben, on se doit de l'être aussi. Parce que c'est ce qu'attend notre cher public, les habitants des quartiers, les gens qui nous suivent, nos bénévoles, nos adhérents. C'est évidemment d'être dans cette démarche-là. Donc, pour parler d'un exemple concret, la vente de viande, on essaye au maximum d'abattre les animaux dans un abattoir de bonne qualité qu'on a trouvé pas loin de Paris, vers Marne-la-Vallée. Voilà, un petit abattoir familial qui nous convient très bien, où les animaux sont bien traités, où on peut les voir jusqu'à la fin. Ce qui est très important quand on est dans un élevage respectueux, pour un éleveur, c'est très important de voir comment sont mis à mort ces animaux. C'est quelque chose dont on parle, nous, ouvertement, même si ça peut susciter beaucoup de questionnements chez les urbains, mais c'est volontairement en fait qu'on fait ça. Et puis derrière, on fait transformer notre viande. Alors soit on a eu un partenariat... On a eu un partenariat avec l'école de la boucherie qui est située dans le 12e à Paris, qui nous a fait découper la viande par ses étudiants. Mais là aussi, on travaille avec un boucher turc à Saint-Denis qui est super. Quand il voit nos brebis, ça lui rappelle les animaux qu'il avait chez lui, en fait, au bled, quoi. Ça fait ça à beaucoup de gens. C'est des animaux qui sont pas conformes, j'ai envie de dire. Valentin, et si tu nous parlais un peu justement de vos brebis, de vos béliers, est-ce que c'est une race particulièrement adaptée à la Seine-Saint-Denis, aux zones urbaines? Est-ce qu'elles ont besoin de soins, d'antibiotiques, de vétérinaires? Où est-ce qu'on en est? Parce que les brebis, il y en a des dizaines de races. Avec qui, avec quoi vous travaillez? Alors, en fait, quand on a commencé, on n'y connaissait vraiment rien. Donc, on s'est renseigné, on a essayé pas mal de races différentes. On a commencé avec des tonnets marteaux parce qu'en fait on venait d'une autre asso avant qui avait ces animaux-là. Et puis assez vite on a acheté des Îles-de-France, des Tesselles, des Bleus du Maine, des Charmoises, parce que voilà, on avait envie d'essayer de voir comment toutes les caractéristiques de ces différentes races pouvaient nous convenir. Et puis aujourd'hui on est plutôt passé sur, on oriente notre élevage vers la race Bleu du Maine, qui est une race bouchère rustique, en fait, qui vient de racines anglaises. C'est des croisements qui ont été faits avec des races anglaises et des races locales du coin dans Maine-et-Loire, quoi. Et donc, alors c'était quoi ? Oui, alors au niveau des soins, bah alors pareil, on s'est retrouvé en fait complètement démunis. Au début, on n'avait aucun vétérinaire. Alors surtout pour trouver un vétérinaire qui soit un vétérinaire rural en pleine ville, c'est vraiment un calvaire. Donc on a eu des épisodes un peu compliqués. On a eu des épidémies puisqu'on faisait pas mal d'erreurs de débutants. Et c'est là qu'on a frappé à la porte en fait de Maison Alfort dans un premier temps. En amenant des animaux malades, à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Voilà, l'école vétérinaire de Maison Alfort qui est en banlieue parisienne. Voilà. Et ensuite, comme on était un peu exigeant, on voulait élever nos animaux de la manière la plus naturelle possible, donc s'inspirer des méthodes traditionnelles, pouvoir les soigner par nous-mêmes. Et là, on est tombé sur un collectif de vétérinaires qui est dans toute la France et qui s'appelle Zone Verte, donc le GIE Zone Verte. On a eu la chance de tomber sur en fait Denis Frick, qui est en fait un vétérinaire qui est basé dans la Creuse et qui monte à Paris de temps en temps pour militer, pour faire avancer les lois sur justement toutes ces questions de santé animale, donc de vaccination obligatoire, de prophylaxie et compagnie. Et donc avec lui en fait. D'accord. On est revenu, on était à l'antenne, mais on est revenu au studio ici, Place de la République, avec les bergers urbains. Alors quand vous vous baladez avec votre troupeau, donc il y a vous, il y a vos chiens, et j'imagine que vous avez des petits cris, des petits sons, des manières de les appeler, de les faire revenir. Alors on va essayer de faire ça. Imaginons, on va tous se rapprocher des micros. Okay. On va imaginer que le troupeau là est en train de se barrer vers la voie rapide. Et comment vous les rappelez ? Tiens, approche-toi. Parce que là, on va rappeler le troupeau. Donc... Moi, je propose qu'on le fasse chacun notre tour parce qu'on n'a pas tous la même façon de les appeler. Ah bah voilà, on commence. Donc voilà, on est avec les bergers urbains. Ils vont appeler les moutons, ils vont les faire revenir vers le studio là. On y va. Allez, je commence. Allez, allez, allez, hop, allez, on y va, c'est parti, on y va, hop. Allez les filles. Chup, chup, chup, chup. Allez les filles, on y va, courage, courage. Et puis quand t'es derrière pour pousser, tu fais psh, psh, psh, psh, psh, psh, psh. Voilà. Tu claques dans les doigts, tu tapes dans les mains, voilà, tu fais le plus de bruit. On a fait des codes pour le troupeau, et justement c'était ça, je voulais en parler après, c'est la culture qu'on a réussi à développer chez notre troupeau de moutons, parce que les moutons aussi ont une culture. Et ils ont des langages et nous on s'intègre avec ça et eux ils nous apprennent autant que nous on leur apprend. Et donc par exemple faire des cris aigus et stridents à l'avant du troupeau, ça les attire, et faire des bruits psh, psh, comme ça, des chuchotements derrière, ils savent qu'il faut qu'ils aillent dans la direction opposée. Donc c'est un langage aussi qu'on a mis en place avec eux. Oui, puis j'imagine qu'en zone urbaine, il y a des bruits parasites, il y a des voitures, des autobus, des klaxons. Alors il faut s'adapter à tout cet écosystème sonore. On n'est pas comme si on était dans la Drôme. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que nos moutons, la plupart de nos brebis maintenant, elles sont nées en ville. Elles connaissent bien cet environnement. Donc c'est assez étonnant de voir à quel point elles sont peu stressées par cet environnement. Souvent, quand on parle de ça aux gens de la campagne qui s'imaginent Paris comme une montagne de béton, ils hallucinent totalement. Et ils pensent pas que les brebis peuvent garder leur calme. Mais en fait, elles le peuvent parce qu'elles sont habituées à ça. Après, c'est vrai que des fois, sur certains carrefours, le cri strident, il faut vraiment le faire très fort pour que ça couvre le bruit des voitures et qu'elles puissent se repérer. Parce que des fois, carrément, elles te perdent de vue. Et elles savent qui est le berger, mais voilà, il faut toujours se rappeler à leur bon souvenir. Ouais, notamment une des situations où elles sont un peu perdues, c'est quand on traverse le parvis devant la gare de Saint-Denis. Et là, il y a énormément de monde et elles savent plus trop qui suivre. Elles partent comme ça, un peu à la dérive. Donc c'est pas toujours facile de guider comme on veut, mais on s'en sort. D'ailleurs, aujourd'hui, on était en transhumance toute la journée. Vous avez transhumé aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes arrivé à la bourre en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. On a goûté les merguez aussi qui viennent d'arriver. D'accord. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on a un concert qui se prépare à côté de nous, une sorte d'esclandre. Alors, voilà, une petite bataille. Enfin, c'est rien du tout. Ma question pour les bergers urbains, dites-moi, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres bergers en Île-de-France? Est-ce que c'est une pratique qui était plus répandue autrefois? On sait que, moi je sais, qu'il y a un berger dans la forêt de Fontainebleau, par exemple. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que des gens pourraient imiter votre exemple? Est-ce que, à terme, c'est une petite économie locale qui pourrait se développer? Alors en fait, nous on les attend, les bergers, il n'y a pas de souci. Vous les appelez? Ah oui, moi j'en appelle hein, carrément, parce qu'en fait, de toute manière, on est limité pour le bien-être des animaux dans une certaine circonférence autour de notre point de départ. Les brebis, elles peuvent pas marcher si longtemps. Et du coup, il y a plein d'endroits où on pourrait développer des élevages comme le nôtre. Par contre, les gens qui s'engagent avec nous au sein de l'association pour vraiment passer à l'acte et essayer d'être berger, il n'y en a pas beaucoup, ils tiennent à peine une semaine. Bon, on cherche des courageux. Voilà, l'appel est lancé sur Radio Debout par les bergers urbains. On cherche, des courageux, on cherche des bergers, des gens qui aiment marcher, des gens qui aiment les animaux, des gens qui n'ont pas peur de les aimer et de les tuer. Des gens qui n'ont pas des idées utopiques sur la nature, sur ses bienfaits et sur ses méfaits. Voilà, comment est-ce qu'on peut contacter les bergers urbains? Alors, c'est très simple. Le site de notre association, c'est association-clinamen.fr et le site de notre coopérative, bergersurbains.com. Super, merci Julie, Pauline et Valentin. On va maintenant se diriger sur notre gauche avec deux musiciens qui sont là, qui sont à Donf. En fait, ils font partie de... ils ont une bonne histoire, ils font partie de plein de choses. Bonsoir, beaucoup de choses. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, c'est Émilie. C'est la première fois que je parle dans ce micro bleu. C'était juste pour les présenter, si tant est que ce soit possible, et en tout cas les remercier d'être là ce soir malgré les aléas d'une antenne un peu chaotique. ils sont avec leurs attirails, donc nous avons un tank drum qui fait un son assez magnifique. C'est Didier qui va jouer du tank drum, Didier, voilà. Et Manu qui va faire du caronne et aussi autre chose. J'ai l'impression que tu as des coquillages, du riz, voilà. D'accord. Des M&M's aussi. Et donc c'est une partie de l'ensemble Adonf, hein, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes aussi les Rolls-Royce des percus et des timbales de l'ONF quand même, faut le dire. Ça fait plaisir de vous avoir, c'est cool. Exactement, ouais. Ok. Et concert, alors. Voilà, là, petit concert pour nous ce soir. On est ravis, ravis. fallu longtemps le composer. Hein. C'était... Alors, il s'appelle comment ce morceau? Oui, tout à fait. Morceau de boue. Ce truc. Un morceau de boue joué assis. Carrefour de la République, carrefour de l'amitié, carrefour de la musique. Voilà. Et de l'écologie. Et de l'écologie. Voilà, en plus, c'était très écologique, hein, parce que beaucoup de coquillages. Voilà, on s'est bien marré, en tout cas. J'espère que ça vous a plu, on s'est bien marré. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était nous, vraiment. Un super plaisir. Ouais, mais c'est nous. Non, je ne vais plus jamais travailler, plutôt crever. Radio Debout. C'était le 80 mars sur Radio Debout. Tout tombe, les instruments tombent, mais nous sommes toujours debout. Alors, merci à tout le staff de Radio Debout d'avoir encore été là ce soir, vaillant sous cette bâche, avec ces petites lumières, avec cette place qui est toujours bien en place, avec ces gens qui nous ont parlé d'agriculture, avec tout ça. Voilà, merci beaucoup. Manon, le mot de la fin peut-être? Bonne nuit. Eh ben, bonne nuit à toutes et à tous et à demain.